Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Épisode 32, le chevalier aux deux épées est un bout. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et on vous accueille aujourd'hui dans le monde d'après, enfin le monde de pendant, puisque la pandémie n'est pas finie, mais tout a changé. Nos enregistrements ont été perturbés suivant les directives de l'OFSP et plus précisément les directives de Radio Kawa. Nous revenons à notre programme de lire tous les classiques, ou en tout cas toutes les œuvres médiévales de la littérature arthurienne. Mais ça va venir avec quelques modifications, on va dire, sur l'infrastructure qui accueille ces épisodes. Effectivement, on a, vous le savez, on vous l'a dit sur les deux derniers épisodes, puis vous l'avez sans doute vu sur Internet, Radio Kawa ferme ses portes très doucement parce qu'il y a encore quelques podcasts qui y sortent, mais on a fini officiellement notre run sur Radio Kawa avec l'épisode hors-série Kaamelott deuxième partie, hein, livre 5 et 6 qui est sorti au début du mois de janvier. Et là, pour le coup, on est passé sur notre... Vous nous écoutez en fait depuis nos nouveaux serveurs qui sont sur le site sursus.ch, qui est le site de notre nouvelle association dont on vous avait parlé, hein, qui regroupe à la fois nos efforts pour faire des podcasts et des vidéos, notamment notre série C'est pas sourcé sur YouTube, qui est portée à bout de bras par Laïs et Camille, et puis dans une moindre mesure moi, on vous parle d'histoire des religions. Là, on va tous se retrouver sur un seul site, et du coup, normalement, si vous nous entendez et que vous étiez abonné avant, c'est que votre application de podcast a trouvé le nouveau flux RSS automatiquement et n'a pas téléchargé 15 000 autres épisodes anciens, donc j'espère que tout s'est bien passé, sinon je m'en excuse, ça sera ma faute. Mais voilà, normalement, vous n'avez rien à faire, vous allez simplement constater que si vous cliquez sur les titres des épisodes, vous allez vous retrouver sur un nouveau site, et vous allez voir que les pages épisodes ont un peu changé. Mais autrement, si vous nous écoutiez par votre téléphone, il n'y a pas grand-chose qui devrait changer. On continuera à publier nos épisodes sur un blog que vous pourrez écouter en ligne. Donc, si vous n'étiez pas des fanas du RSS et du podcast, ce sera tout à fait possible de continuer à nous entendre, je vous rassure. Donc aujourd'hui, on va un petit peu revenir, peut-être pas aux sources, mais on va revenir dans quelque chose qui est assez classique, c'est-à-dire deux romans, comme moi j'aime les appeler, des romans Gauvin adjacents, c'est-à-dire c'est une vague de romans français en vers qui ont suivi la formule qui avait été lancée par Chrétien de Troyes. On vous avait fait une trilogie d'épisodes sur Chrétien de Troyes, qui est d'avoir... un chevalier qui est un nouveau chevalier qui arrive à la cour d'Arthur et qui du coup va devoir faire ses preuves et de le faire contraster avec Gauvin qui du coup lui est l'étalon un peu de la chevalerie en fait. Gauvin sert un peu de modèle de chevalier accompli qui est tout, c'est généralement par rapport à lui qu'on va se comparer, et puis vous avez un nouveau venu qui lui doit apprendre les codes et puis doit faire ses preuves. Et puis ce qui est intéressant avec, c'est le schéma d'origine du Conte du Graal, hein, où il y avait d'abord Perceval, puis après il y avait des aventures avec Gauvin, mais qui n'étaient pas achevées. Et cette dichotomie Gauvin-Perceval se retrouvait ensuite dans les continuations. Et les romans en vers ont gardé cette structure en général. On en avait vu quelques-uns déjà, hein, par exemple L'Âtre Périlleux, qui était un de ceux dont on avait déjà parlé. Là, les deux romans dont on va vous parler, il y en a un qui suit ce schéma d'assez près, mais avec quand même quelques twists, même si c'est pas vraiment des twists, on y reviendra. Le chevalier aux deux épées, donc. Et Humbaud, lui, suit en théorie ce modèle, mais avec de nouveau une couche supplémentaire un peu particulière, puisqu'on a aussi un passage où Gauvin est justement un mentor, hein, un chevalier qui est censément meilleur que lui sur certains aspects, en fait. Donc on va voir que c'est pas non plus quelque chose qui était... traité de façon systématique, caricaturale dans chaque roman arthurien où Gauvin apparaissait, mais ce qu'on peut en ressortir, c'est que Gauvin était vraiment un peu la star, en fait. C'était vraiment cette figure du... Alors, c'est pas la figure un peu noire qui va parfois devenir dans certaines versions en prose et dans certaines interprétations tardives. Là, on est dans un schéma qui est assez proche de ce qui va rester en Angleterre, par exemple, où Gauvin restera le chevalier arthurien archétypique. Mais là, on a quand même cette notion qu'il n'est pas le seul. Il y a un autre héros qui est un peu la star, qui est le featured player, si on préfère, la guest star. Et puis Gauvin apparaît un peu comme personnage, comme deutérogoniste, par exemple. Un des personnages principaux, mais pas forcément le principal, même si c'est parfois lui qui, comme dans Le Chevalier de deux épées, en fait, ou d'ailleurs dans Imbeau, occupe le plus clair de l'action. C'est pas lui, disons, qu'à... Oui, ou dans La Troperie aussi, d'ailleurs. Alors, il y a quelques romans où il a quand même le rôle central, mais ce qui est intéressant, comme tu le dis, c'est justement ce contraste entre deux personnages. Et un des facteurs qui est vraiment dans lequel ça se montre le mieux, je pense, c'est le facteur de l'identité ou de la réputation. C'est-à-dire, vous avez un personnage, le nouveau chevalier, c'est-à-dire le Perceval, le bel inconnu, là, le chevalier aux deux épées, qui arrive à la cour, il est inconnu. Il connaît parfois même pas son nom. Ça, c'est un trait qu'on a repris à Perceval. Perceval doit découvrir son nom, donc, basiquement, enfin, découvrir son identité, quoi. Il doit découvrir son lignage. Alors, Chrétien n'a pas fini son roman, donc on n'a pas eu la confirmation finale, mais Perceval découvrait des choses sur sa famille, quand même. Avec le bel inconnu et avec ici le chevalier aux deux épées, par contre, c'est exactement la même chose. Gauvin, son problème, c'est pas qu'il ne connaît pas son identité, c'est que justement, lui, le problème, c'est presque l'inverse, c'est que sa réputation le précède. Il y a ce bouquin qui parle de Gauvin qui s'appelle L'idole inconnue, qui résume assez bien la situation dans laquelle est Gauvin, c'est-à-dire que tous les hommes le jalousent, toutes les femmes sont amoureuses de lui, même si ils le reconnaissent pas quand ils le croisent. Et c'est un peu ça qu'on avait vu, c'est que cette réputation, déjà dans le Conte du Graal, il est accusé d'avoir tué un homme de façon déloyale. Donc il a une réputation, mais là, qui est négative. Pareil, dans L'âtre périlleux, sa réputation, c'est qu'il est décédé. Et il doit y remédier pour rassurer les gens, enfin pour basiquement remédier à cette fausse rumeur qu'il serait mort. Et là, c'est quelque chose qu'on va voir. En fait, combine les deux, en fait. Le chevalier aux deux épées combine les deux, et d'ailleurs, il mène à sa conclusion logique, en tout cas à sa combinaison logique, les deux storylines du Conte du Graal. Vous aviez le héros inconnu qui avait l'air de sortir d'un drame familial, c'était Perceval, son père avait l'air d'avoir été blessé parmi les jambes, sa terre était tombée en décrépitude, etc. Et de l'autre côté, Gauvin était accusé d'avoir tué quelqu'un. Là, le chevalier aux deux épées va combiner les deux. C'est que Gauvin, en fait, aurait tué, a tué, on va l'apprendre, le père du chevalier aux deux épées, en fait. Oui, il y a ce côté un peu, ce qui crée cette tension entre les deux, ce qui est d'ailleurs un des éléments intéressants de l'histoire, en fait, dans le chevalier aux deux épées, qui est autrement parfois assez conventionnel. Puis le dernier contraste sur lequel je voudrais insister dans cette formule avec deux chevaliers, c'est que généralement, vous avez le nouveau chevalier qui doit apprendre les usages de la chevalerie, même si généralement il est un peu surdoué, c'est-à-dire qu'il est très bon, il combat de façon excellente, etc. Mais il doit quand même apprendre la courtoisie. Et à l'inverse, Gauvin, c'est le chevalier accompli qui connaît tous les usages, qui est parfaitement courtois, etc., mais qui est placé dans des situations impossibles. C'est généralement ça ce qui se passe avec Gauvin, c'est qu'on le romancier le met dans une situation où c'est pas possible de s'en tirer de façon honorable. On avait vu ça dans le Conte du Graal avec la Malpucelle qui arrêtait pas de l'insulter, mais il fallait quand même qu'il la traite gentiment. On a vu ça dans L'âtre périlleux, justement, avec la rumeur de sa mort. Et puis dans Imbeau, comme on va le voir, on a une situation où Gauvin se retrouve dans un royaume dont il ne connaît pas les usages, en fait. Tu l'as dit, il se retrouve dans une situation où il a un mentor qui du coup se trouve être Imbeau, mais c'est parce qu'il est apparemment dans une espèce de royaume étrange et que les habitudes qu'il a prises n'ont pas de sens à cet endroit-là. Et puis du coup, Gauvin apparaît comme le chevalier un peu déréglé ou qui agit de façon inappropriée. Donc voilà, ça c'est un peu la tension qu'on a vue. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en général, il y a des... dans ces romans où Gauvin apparaît, c'est que c'est pas rarement Gauvin qui a quand même le rôle qu'il n'y a pas une progression autour de Gauvin, disons. C'est pas lui qui a un dénouement particulièrement intéressant, c'est pas lui qui doit vraiment... C'est des aventures assez standards, il n'a pas un voyage du héros, comme on pourrait l'appeler, en fait. C'est assez rare qu'il ait une progression, en tout cas dans sa réputation, puisqu'il est déjà, il a déjà atteint ce niveau... le plus élevé. En général, ses aspirations sont plutôt modestes. En l'occurrence, dans le chevalier de deux épées, c'est retrouver la fille dont il est amoureux, alors que c'est le nouveau chevalier, le chevalier de deux épées du titre, donc qui va avoir vraiment une progression de simple écuyer à roi des îles, ou roi de Cardigan, pas de roi des îles, justement. Mais c'est vraiment c'est là qu'on a la distinction. Gauvin, même s'il a parfois le rôle principal en termes de temps de place dans l'action, c'est pas forcément lui qui a à qui il arrive des aventures qui le font progresser ou qui en font justement un héros au sens propre. Je pense qu'un des facteurs, c'est notamment que, justement, comme tu le dis, l'accomplissement final, en général, dans ces romans-là, en tout cas, c'est que le chevalier, à la fin, se marie, et il se marie généralement avec une princesse, ou alors il est couronné roi. Ça, depuis Erec, ça a été un peu la règle. Mais le truc, c'est qu'on peut pas le faire. Les romanciers savent très bien qu'ils peuvent pas le faire pour Gauvin, parce que Gauvin, c'est l'héritier d'Arthur. Il peut pas devenir roi à la fin, généralement. Donc, je pense qu'il y a aussi... Il peut pas se marier, en fait. Puis aussi, ouais, il y a son réservoir inépuisable de petites amies qui joue peut-être un rôle là-dedans aussi. Je vous propose qu'on commence à parler un peu du chevalier aux deux épées plus précisément. Alors, comme Imbeau, le chevalier aux deux épées se retrouve dans un seul manuscrit. En l'occurrence, le manuscrit français 12603 de la Bibliothèque nationale de France. C'est un grand manuscrit qui a pas mal de différents romans. En l'occurrence, le chevalier aux deux épées ouvre le manuscrit. Mais on y trouve aussi, par exemple, le chevalier au lion de Chrétien. Il y a un roman d'Aîné, il y a des bouts du Brut de Wasse. Il y a aussi des romans non arthuriens comme le roman d'Énéas, le roman de Firabra d'Alexandre. Il y a du Jean Bedel, on y retrouve du Jean Renard. On y retrouve aussi des choses comme, par exemple, le Songe d'enfer de Raoul de Houdanque, dont on vous avait parlé quand on avait parlé de Raoul de Houdanque, justement, et aussi des fabliaux, par exemple, de la femme qui conquit son baron, ou de Mâle honte, avec des titres assez évocateurs, disons, et des romans, du coup, un peu plus de chevalerie, quoi. C'est un manuscrit assez vaste, assez divers. C'est un de ces manuscrits, on se dit, si on l'avait perdu, comme beaucoup de ces romans, arthuriens, Gauvin adjacents, il y en a beaucoup qui tiennent à un, deux manuscrits. Je crois l'âtre périlleux, on a quoi, trois ou quatre, c'est un peu une exception. Mais la plupart, il faut se dire, on ne sait pas dans quelle mesure ils étaient diffusés. Et on ne sait pas aussi, une autre question qui est évidente, c'est combien on en a perdu. Parce que de toute évidence, probablement que la plupart avaient une diffusion assez confidentielle. Et bien sûr, le nombre de manuscrits, ce n'est pas une preuve de... On ne peut pas calculer combien de gens l'ont lu à partir du nombre de manuscrits. Mais on peut imaginer que ces versions-là ne devaient pas être très connues, en fait. Non, effectivement, c'est pas des... C'est... Typiquement, le chevalier aux deux épées a cette seule source. Imbeau, de la même façon, on le reviendra plus tard, a aussi une seule source. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a quand même des qui circulent pas mal. Par exemple, on y trouve souvent un roman de Chrétien ou l'autre. Et après, on a d'autres romans qui, eux, ont une circulation plus confidentielle. Par exemple, le manuscrit de Imbeau, lui, il a le chevalier au lion, il a le chevalier à la charrette, il a le chevalier Éric et Enide, il a Imbeau, il a le bel inconnu, c'est le seul manuscrit aussi du bel inconnu. Il a l'âtre périlleux aussi. Exactement. Et il y a aussi, par contre, des romans qui, typiquement, La vengeance Raguidel de Raoul de Houdanque, qui, pour le coup, a quatre manuscrits. Il y a le père Lesvos aussi dedans, qui en a, je crois, une dizaine en tout, avec des extraits, des fragments. Donc, il y a quand même plusieurs échelles. Il y a ces manuscrits de Chrétien qui, eux, ont vraiment circulé partout. Il y a ces manuscrits d'œuvres un peu plus connues qui ont eu quand même une certaine diffusion. Et il y a des manuscrits, des œuvres qui ont eu une diffusion extrêmement confidentielle, limitée à peut-être... Alors qu'il y a peut-être plus de manuscrits qui ont survécu, mais qui clairement moins que ceux qui ont survécu de Chrétien, par exemple. Non, c'est ça. Si on compare à Chrétien, par exemple, Chrétien de Troyes, on voit que Chrétien de Troyes, ou même les continuations, on voit qu'on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Voilà. Tu l'as dit, donc tu as dit qu'il était vraiment transmis dans un contexte où clairement c'est des gens qui s'intéressaient à ce genre d'histoire. Justement, on voit qu'il y a quand même des associations dans les manuscrits qui sont assez logiques comme en termes de compilation. Et c'est une œuvre qui est très référentielle. Alors celui qui écrit ça connaît clairement toutes les œuvres de Chrétien, genre probablement sur le bout des doigts. Celui qui a écrit ça, on lui a dit, tu nous fais un truc façon Chrétien. C'est vraiment le maître, la référence de ce genre-là. Il connaît probablement beaucoup d'autres œuvres arthuriennes, parce qu'on remarque, on va en discuter, mais on remarque beaucoup de petites références ou d'allusions qui ont l'air d'être des reprises. Par exemple, on a un épisode de Chapelle enchantée, de Chapelle qui a une espèce de malédiction dessus, qui a pas l'air de faire sens. Enfin, quand on le lit comme ça, il a pas l'air de faire sens. Mais si on le compare à un épisode du Père Lesvos, on se rend compte que probablement l'auteur a repris cet épisode-là. Probablement l'auteur. Il y a aussi des. Ouais, c'est ça. Il y a ce côté un peu étrange, incongru, mais c'est tout à fait dans le style de. Mm. Mais du coup, c'est un roman qui est presque un beau. On va en parler tout à l'heure. C'est un roman qui est inachevé. Moi, je dirais que celui-ci, c'est un roman qui est un petit peu trop achevé. Genre, il y a un petit peu trop de références, de renvois. L'histoire est un petit peu trop. Genre, c'est astucieux d'avoir combiné l'histoire de Gauvin et puis justement du bel inconnu dont on ne sait pas ce qui est arrivé à son père. C'est une combinaison qui est intéressante, mais il y a un petit peu trop de connexions au bout d'un moment. C'est-à-dire que l'histoire se referme un petit peu trop sur elle-même. C'est un peu comme lire une continuation de Blake et Mortimer, par exemple. Il y a quelque chose à dire sur le côté un peu dérivatif, en tout cas. Et je pense que ça m'a un peu... Comment dire ça m'a un peu frappé parce qu'on vous avait déjà parlé justement de l'idée, est-ce qu'il y avait un proto-Perceval, genre une espèce de roman celte ou de mythe ou de conte qui était à la genèse de l'histoire de Perceval, et je crois que c'était Guyon-Varch, un de ses arguments, Guyon-Varch, sur le fait qu'il y aurait ce prototype, c'était bah, vous regardez le bel inconnu ou vous regardez le chevalier aux deux épées. Puis il disait voilà, le chevalier aux deux épées, c'est une preuve de cet archétype mythique plus ancien. Ce qui me paraît un peu ridicule parce que c'est une œuvre qui est très clairement écrite par quelqu'un qui connaît par cœur le conte du Graal. C'est pas possible de montrer ça comme une histoire indépendante des écrits de Chrétien. Voilà, c'est jusqu'au. Disons, le truc le plus frappant, c'est que Perceval, qui se connaît que comme justement beau-fils, est élevé au moins dans un contexte qui, sans le rendre vraisemblable, disons, se justifie. Il n'est pas élevé dans une cour, il est élevé au milieu de la forêt par une mère qui l'appelle que comme ça. Il y a vraiment ce sentiment qu'il est un peu étrange et que c'est un peu bizarre qu'il ne connaisse pas son nom. Alors que le chevalier de deux épées, quand on lui demande, il était élevé à la cour de ses parents. Mais il connaît pas son nom. Ouais. C'est très bizarre parce que là, c'est comme si le motif avait été repris direct sans reprendre tout le contexte avec qui rend la chose un peu plus vraisemblable. Alors que là, c'est juste non, il a été élevé, il connaît sa mère. Bon, il connaît pas bien son père, mais il a été élevé chez ses parents quand même. C'est pas très très clair et il connaît juste pas son nom. Il n'y a pas ce côté, il n'a pas du tout ce côté aussi, disons, Perceval, il est vraiment présenté comme un bouseux qui sort de la forêt, un homme sauvage pratiquement. Alors que là, le chevalier de deux épées, bah, c'est l'écuyer de Gauvin, il semble pas avoir ces caractéristiques justement un peu étranges que Perceval a justement. Mais ça rend l'histoire, à mon avis, un peu pas forcément, comme tu dis, un problème de vraisemblance, mais même un problème où c'est un trope assez courant dans les histoires arthuriennes. Vous avez le chevalier qui arrive à la cour, puis après il se barre et on n'arrive pas à le rattraper. Puis après, Arthur qui dit non, mais ramenez-le-moi, j'ai envie de lui parler, etc. Puis lui, il n'arrête pas de faire des aventures, mais il ne veut pas se laisser ramener. Le chevalier aux deux épées a aucune raison d'agir comme ça, en fait. Donc il agit comme ça parce qu'il faut que ça crée de la tension dans l'histoire et que les personnages soient séparés pour qu'ils puissent courir les uns après les autres. Mais Perceval, il faisait ça parce que ça collait parfaitement avec son personnage. C'était un naïf, il ne comprenait pas ce qui se passait, il était impulsif. Là, le chevalier aux deux épées, comme tu dis, on ne nous donne pas le même contexte pour nous imaginer que c'est le même personnage. Et du coup, l'histoire se passe un peu de façon mécanique parfois. Genre, il accomplit l'épreuve qui va lui donner son nom, il arrive à enlever l'épée qui était autour de cette dame, et puis du coup, il a deux épées, et ensuite il s'enfuit, et il n'y a pas vraiment de raison pour ça, en fait. Ouais, il y a vraiment un peu, c'est l'action qui justifie qui justifie l'histoire, alors que ben, les romans de chrétiens sont généralement ancrés. Et c'est ça qu'on peut remarquer quand on peut, c'est facile de renvoyer tous ces récits médiévaux un peu dans une espèce de similitude générale. Voilà, ils sont tous un peu primitifs, mais on voit que Chrétien a vraiment un talent pour justement lier les motivations de ses personnages, leur personnalité et l'action. C'est pour ça que les cinq romans de Chrétien sont tous très différents, même s'il y a des similitudes. Les personnages qui apparaissent dedans, alors à part peut-être un peu Cligès, qui est un peu le qui a ce côté un peu plus, disons, pain de mie comparé aux autres, mais Erec, Gauvin, Perceval, Yvain, Lancelot ont tous vraiment des personnalités un peu mieux campées quand même. Et au final, ses successeurs ont tendance un peu à avoir des chevaliers un peu plus génériques, quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que justement tout ce qui est le roman un peu psychologique à cette époque-là, en fait, on va le retrouver dans les romans en prose. Donc, on avait déjà parlé du Tristan en prose qui est très long, mais qui a justement des peintures de personnages qui sont très intéressantes, la vie intérieure des personnages qui est très développée. Alors que les romans en vers, justement, ça devient plus une espèce d'exercice de style pour les gens qui aiment les romans de Chrétien et ce genre de romans-là. Est très très codifié. Donc très vite, c'est assez clair que c'est des gens qui demandent à des auteurs « Est-ce que tu peux me faire un roman comme ça ?» Et il y a des clichés, il y a des types d'aventures, il y a du recyclage de motifs qui se fait de façon assez mécanique. J'avais fait une des blagues qui m'était venue en lisant ça, c'est, vous savez, ces posts où c'est quelqu'un qui dit « J'ai entraîné une intelligence artificielle en lisant les scripts de Friends pour écrire un épisode de Friends », et puis généralement c'est juste une blague, c'est pas du tout ça. Mais là, ça fait un petit peu intelligence artificielle entraînée sur des romans arthuriens, quoi. Ben, ce que ça me fait penser, en fait, c'est, je me faisais la réflexion parce que j'ai lu tout Blake et Mortimer ces dernières semaines, et je me suis fait la réflexion en lisant ça, quand on voit aussi le discours médiatique autour de Blake et Mortimer. Blake et Mortimer, aujourd'hui, si tu lis des articles, c'est pas du tout dans la presse, c'est beaucoup moins dans la presse BD proportionnellement que dans la presse générique. Blake et Mortimer, c'est une de ces rares BD qui est un peu sortie des circuits de passionnés de bande dessinée. C'est vraiment la BD sérieuse. On va en parler dans Le Soir, Le Temps. On fait des articles dans les grands quotidiens. Ça va être publié dans Le Monde, etc. Parce que sa continuation, en fait, a un peu momifié ça dans une espèce de BD prestige, pas mainstream nécessairement, mais qui va avoir un discours géré par des gens qui ont vraiment... soit des fans absolus de Blake et Mortimer qui s'intéressent surtout à Blake et Mortimer, soit des explorations un peu de prestige parce que ça raccorde à un auteur et à un passé de BD-phile, disons, établi. Mais la progression, le style, même le style de Jacobs, ses inventions sont... de la BD vivante, entre guillemets, ça se fait pas dans ces contextes-là, ça se fait dans des contextes qui ont fait évoluer le genre, alors que Blake et Mortimer va justement chercher à coller au genre de Jacobs dans sa continuation. Je sais pas si ma métaphore est très claire, mais ce que j'essaie de dire, c'est que les vrais continuateurs en termes d'évolution stylistique et en termes de progression et de complexité, c'est inévitablement ceux qui ont fait bouger le genre, et donc c'est logique que ce soit les romans en prose qui apportent déjà une nouveauté stylistique, mais qui sont plus à la mode évidemment, mais qui ont, disons, explorer le genre dans des nouvelles directions, alors que les gens qui reprennent et, entre guillemets, pastichent ces récits arthuriens de Chrétien, inévitablement, ils ne vont pas pouvoir avoir la même complexité et la même profondeur. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette impression toujours que les romans, on en parlait souvent, mais beaucoup d'auteurs, beaucoup d'universitaires aiment qualifier ces romans du XIIIe siècle de « Ah, ils sont parodiques, il y a une intention parodique, ouais. » Et ça veut être comique. Et quelque part, on peut dire, déjà, c'est pas forcément que ça veut être comique ou parodique, c'est pas parce que c'est parodique que c'est comique, ou c'est pas parce que c'est comique que c'est parodique, plutôt. Voilà, mais c'est pas parce que c'est drôle que c'est la volonté de parodier, mais d'une certaine façon, c'est logique que ce soit du pastiche, entre guillemets, parce que ça renvoie à un modèle qui a peu évolué et qui est justement un peu momifié dans ce sens-là. Et donc, c'est inévitable que ça paraisse parodique quand c'est drôle, parce que non seulement, alors ça peut être drôle, et ça imite, mais l'intention n'est pas forcément de parodier. Alors que, les vrais canaux d'évolution se font soit en prose en français, soit dans d'autres langues en vers. En allemand, en anglais, on a des inventions. Je veux dire, les romans allemands ont une certaine profondeur, même au XIIIe siècle, que n'ont pas leurs contemporains français, parce que peut-être parce que c'est plus nouveau, parce que c'est plus neuf. Parce qu'il y a la place pour faire évoluer le genre. Alors que là, on tourne un peu en rond dans ces romans en vers. Je ne sais pas si ma métaphore Blake et Mortimer est très appropriée, mais je trouve qu'il y a quelque chose un peu dans cette ouais, pas momification, parce que c'est pas non plus mort, mais dans cette boucle un peu de feedback où on veut coller au plus près d'un modèle stylistique particulier, quoi. Surtout quand c'est un seul auteur. Avant qu'on parle un peu plus de l'histoire du Chevalier aux deux épées, on va commencer dans une seconde. Juste un mot sur les traductions, les moyens de le lire. L'édition un peu qui va être le plus disponible pour vous, c'est celle des Classiques Garnier. de 2012, une traduction de Damien de Carnet, qui a été très critiquée, c'est-à-dire qu'il a, il a voulu moderniser, il y a une critique, je vous mettrai le lien dans notre document, mais il a voulu moderniser un peu le texte, et du coup, il voulait éviter tout ce qui était archaïsme et puis un peu médiévalisme. C'est vrai que parfois, c'est un peu, c'est un petit peu cliché, vous ouvrez votre texte, et puis vous dites, parle la malepeste, mon damoiseau, enfin, ça devient un petit peu lourd, mais c'est vrai que parfois, ça se marche un peu sur les pieds en essayant de moderniser un peu ou d'être standard à tout prix. On perd justement un peu ce qui fait la qualité de certaines adresses, de certaines expressions. Mais sinon, sa traduction est assez facile à suivre. Il existe une traduction numérique qui coûte basiquement le même prix que l'édition physique. Donc, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent à avoir l'édition numérique, malheureusement. Il y a aussi des traductions en anglais. Vous avez, je crois, une traduction par Ross G. Arthur et Noel L. Corbett qui a été publiée aux presses de l'Université de Floride. Mais je crois qu'il y a, il y a possiblement une version disponible en ligne. Je ne suis pas très sûr de ce que je vous dis là. Et l'édition de référence, donc en tant qu'édition, c'est celle de Paul Vincent Rockwell, qui a été publiée par Brewer en 2006, et c'est celle sur laquelle s'est appuyé Damien de Carnet pour faire sa traduction. Et lui, pour le coup, il a fait une traduction en français avec, qui double, entre guillemets, celle de Damien de Carnet. Donc si vous lisez l'anglais et que vous ne voulez pas lire celle qu'on a suivie ici, vous pouvez tout à fait le faire, à condition de lire de l'anglais, quoi. Vous avez un peu plus de choix. Mais donc, notre histoire commence comme tant d'autres romans arthuriens, parce que le roi Arthur veut organiser des festivités dans son royaume. On nous dit justement qu'aucune guerre n'avait éclaté depuis longtemps dans ses terres, et il voulait donc rassembler une grande fête pour, voir tous ses vassaux. I've got the best parties. Et... the best parties. Everybody's saying it. I've got the best parties. Ronald McDonald parties. Very bad parties. Non, il y a vraiment ce côté Trump par moment dans la narration. We used to have war. We used to have wars. But now, we don't. We have parties. Non, il y a ce côté Trump dans la narration que je trouve par moment. I could tell you all about it. Je pourrais vous dire tout. Je pourrais vous dire tout sur les magnifiques tenues des femmes. La magnifique nourriture. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je n'ai pas le temps. Il y a ce côté un peu narration à la Trump. On n'a plus des magnifiques tenues. On n'a plus des tenues comme ça maintenant. On ne peut plus. Avec... politically correct. Avec les lances... puis justement, un autre personnage un peu vantard qui arrive, c'est justement un messager du roi Rion des Îles qui dit que depuis 9 ans, uniquement par sa force, il a conquis 9 rois, donc un par an, c'est une bonne moyenne, et qu'il a coupé leur barbe pour s'en faire un manteau, et qu'il voudrait ajouter la barbe du roi Arthur à son manteau, et qu'il lui demande du coup ce tribut. Arthur, bien sûr, refuse, il se sent profondément insulté, bon, il y a clairement une espèce d'insulte à la virilité d'Arthur. Et puis justement, le roi Rion des Îles, bon, c'est un personnage un peu qu'on a déjà vu dans les romans arthuriens qu'on a vu précédemment. Hein. Oui, il apparaît dans le Tristan, lui ou son fils, je sais pas, il y a le motif du géant qui demande des barbes dans le Tristan de Thomas, il apparaît dans les suites, je crois que les deux suites, il y a un Rion dans les deux suites, Vulgate et Post-Vulgate, mais je crois que les barbes, c'est dans la Vulgate, il faudrait qu'on revienne en arrière pour être sûr, mais enfin, c'est un personnage relativement connu. En l'occurrence, là, il veut faire le manteau. Le petit twist, c'est pas que c'est un manteau pour lui, c'est que c'est un manteau pour son amoureuse qui lui a demandé. Genre, elle a des demandes un peu particulières. Et en fait, il veut faire l'ourlet avec la barbe d'Arthur spécifiquement, en fait, pour le col. Donc, oui. Et il veut aussi, on note aussi peut-être parce qu'il a parmi ses suivants le roi de Northumberland, qui est un de ses amis, et il lui a spécifiquement demandé la reine Guenièvre, en fait. Donc, il veut s'emparer de Camelot, prendre la reine et l'offrir au roi de Northumberland. On verra que le roi de Northumberland aime bien demander des reines, des souveraines d'autres pays à son seigneur. Je crois que c'est pas dit, mais une des possibilités, c'est qu'il veut faire justement le col ou l'ourlet il veut faire l'ourlet ou le col avec la barbe d'Arthur, peut-être parce que la barbe, elle est blanche, en fait. Ah oui, ça serait assez logique, parce qu'Arthur est un roi vénérable, évidemment, à ce stade-là. Est un roi plus vieux, peut-être que c'est un roi plus vieux et plus, qui a régné beaucoup plus longtemps. Justement, il dit qu'il a régné dans une longue paix dans son royaume. Mais en tout cas, Arthur se sent insulté. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il dit, bon, on va faire la guerre, etc. On va pas se laisser faire par ce Rion des Îles. Enfin, là, il s'appelle Rhys, le roi Rhys. Mais... ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le narrateur va changer, puis on va plutôt voir la perspective du roi Rhys. On va se déplacer vers sa cour, et c'est là que l'histoire va vraiment commencer. Parce qu'il est en train d'assiéger, en fait, le messager lit, il est en train d'assiéger la dame de donc la reine de Cardigan, des vassales d'Arthur, en fait, et il a mis le siège devant Cardigan, il s'apprête à s'en emparer. Et donc la focalisation change assez vite. alors que le roi demande une mobilisation générale pour aller libérer Cardigan, justement. Le roi, qui va nous intéresser là, c'est Rhys, justement. On va retourner de son point de vue, et le messager va chevaucher. Il y a ce côté un peu, je sais pas, il y a vraiment ce côté un peu, je sais pas parce que je les ai Blake et Mortimer en ce moment, mais je vois des similitudes. Puis il y a ce côté, on suit l'allié d'un méchant qui va demander et qui va voir des gens qui vont lui renseigner dans le camp. C'est un moine qui lui dit qu'entre temps, le roi Rhys a pris la ville de Cardigan, et donc du coup, il va arriver à Cardigan pour trouver le roi assis dans la grande salle de la dame de Cardigan où il la tient prisonnière en fait. Oui, il a réussi à s'en emparer. Et cette dame de Cardigan, ça va être un peu la première héroïne. Donc, c'est un cas où, en fait, étonnamment, il n'y a pas si souvent que ça des dames aussi actives qu'elle. Parce que le roi, il va dire, voilà, il y a des... Il reçoit de la part de son amie, qui est la reine d'Islande, je crois. Mademoiselle d'Islande. Dire, ouais. Irlande ou Islande. C'est souvent la confusion, parce que les deux sont des îles, et puis les deux sont dans le nord, il fait froid, donc, et puis en plus il y a une lettre de différence, donc on les confond souvent. Il reçoit des entraves à bestiaux, donc des espèces de menottes ou de chaînes à mettre au roi Arthur quand il l'aura vaincu. Donc il y a vraiment une espèce d'idée de... Il veut humilier le roi Arthur pour faire plaisir à son ami, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez courageux pour aller les placer à la chapelle abandonnée ? C'est une chapelle qui est dans une forêt, apparemment elle est pleine d'enchantements, il y a des trucs pas terribles qui se passent là-bas. Puis il dit, personne ne sera assez courageux pour ça, mais celui qui le ferait, bah, je lui donnerai un peu ce qu'il voudrait. La dame de Cardigan se dit, c'est mon opportunité, elle les prend, puis elle dit qu'elle va aller les mettre sur l'autel de la chapelle abandonnée pour obtenir le don qui serait justement de récupérer son château. Il y a ce côté un peu intéressant parce qu'elle ne le dit pas clairement et comme d'hab, elle lui fait promettre un don sans lui dire ce que ce sera, évidemment. Et c'est intéressant parce que d'habitude, c'est souvent des trucs qui sont employés pour justement jouer un tour à Arthur ou en tout cas au gentil dans l'histoire. Et là, pour le coup, ça se retrouve entaché contre un méchant. C'est pas très justifié, je trouve. Enfin, j'ai pas très bien compris pourquoi il demandait à ce qu'on aille les mettre sur la chapelle. D'autant que le roi élude. En fait, il dit, ouais, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est compliqué. Enfin, bref, il faut que quelqu'un aille... D'ailleurs, il le dit, hein, ça peut être un homme d'armes, un chevalier, ou une demoiselle ou une dame. Elle peut compter sur lui pour avoir ce qu'elle veut de sa part si la dame va être maître. Et malgré tout ça, aucun des chevaliers ne refuse de le faire. Et c'est là qu'on nous présente justement cette dame de Cardigan qui est très très belle, elle a toutes les beautés, elle est magnifique. Comme toutes les femmes sont magnifiques dans ce livre, hein, on va le voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne la présente pas tout de suite comme la dame de Cardigan. On dit à côté du roi, il y avait une dame, puis après on révèle que c'était la dame de Cardigan dont il avait pris le domaine. Non, ce que tu dis, c'est que c'est pas justifié, et c'est vrai qu'on ne comprend pas ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai trouvé des résumés de l'histoire en ligne qui n'ont pas compris ce passage et qui pensent que la dame doit aller chercher les entraves, mais c'est physiquement pas possible. Elle va les poser sur l'autel parce que c'est le chevalier aux deux épées qui va les récupérer après. Elle va pas les prendre, elle va les poser. Et en fait, le roi, on ne sait pas pourquoi il est dans la chapelle, et il dit que quand il y était, il a mis un bout de son manteau sur l'autel. Bon, ça, c'est assez logique. Il a l'air de dire qu'il n'y avait pas de... l'autel était nu, il n'y avait pas de couverture dessus, et il s'est dit, c'est inapproprié, il faut que je mette un bout de ma tunique dessus pour qu'il y ait une espèce de couverture, quoi. Et à ce moment-là, il dit, pour prouver que vous avez été à la chapelle, vous devez me ramener un bout de la tunique que j'ai mis sur l'autel. C'est ce que la dame va faire. Quand elle met les entraves, d'abord, elle doit passer à travers une forêt de ronces. Elle entend des cris de bêtes. Alors ça fait un petit peu comme la mule sans frein. Donc voilà, la forêt où on entend des cris un peu terrifiants. Elle y arrive, elle pose des entraves dessus et les entraves se mettent à léviter dans les airs. On ne sait pas pourquoi. Et puis, elle les prend, elle les remet. Et puis là, elles arrêtent de bouger. Puis du coup, elle est contente. Ça fait très... c'est très... il y a un petit... Il y a un petit bug dans la chapelle. Il y a les objets qui se mettent à léviter pour rien. Ça fait un petit peu les jeux Bethesda. Ensuite, elle prend un bout de la tunique pour prouver qu'elle est venue. Et à ce moment-là, elle va assister à une scène qui va un peu mettre en branle un peu tout ce qui se passe et donner son titre au roman. C'est que... Elle voit quelqu'un qui amène un chevalier qui est décédé, en fait. Ouais, il y a un type qui arrive, et ils arrivent, il est en train de pleurer, en fait. Il se livre, en fait, on nous dit qu'il pleure à propos d'un chevalier qui est en armure, mais sans homme, sans écu, mort avec lui, donc il le transporte dans ses bras. il est en train de pleurer, il s'arrête pour s'évanouir sur lui toutes les deux pas. Elle se cache en fait, elle se cache derrière l'hôtel et elle se signe parce qu'elle comprend pas ce qui se passe. Et le chevalier arrive, l'adosse contre la porte, puis il creuse une tombe en fait devant l'hôtel. C'est assez curieux parce qu'on a l'impression que la zone de terre battue ou quelque chose comme ça, parce qu'il va pas creuser évidemment dans le roc quoi. Et il enterre le chevalier dedans, tout en disant « Maintenant, voilà, il faut que je fasse ce que vous m'avez ordonné quand vous êtes mort. Je ne dois rien omettre de tout ce que je peux faire pour honorer votre commandement. » Donc, il avait des instructions assez précises, et on va le voir, ça va avoir une importance plus tard dans l'histoire. Et il prend la bonne épée du chevalier, donc l'épée du chevalier mort, l'allume autour du corps, et il dit quelque chose qui s'apparente à peu près à « Donc, voilà, noble seigneur, si un jour quelqu'un vous trouve et que, homme ou femme, il vous exhume et qu'il prenne votre épée, jamais, une fois qu'il ne l'aura mise autour de lui ou d'elle, parce qu'on nous dit bien homme ou femme, jamais il ne la dessaigne s'il n'est aussi réputé d'armes, aussi beau et aussi parfaitement doué qu'il est juste de dire que vous avez été, ou du moins s'il ne doit le devenir. Donc il faut que la personne qui puisse tirer l'épée, une fois qu'elle a été enceinte autour de quelqu'un, que la personne qui tire l'épée soit au moins aussi bonne, aussi bon chevalier ou valeureuse que le seigneur qui est mort ici. Voilà, il le recouvre et il s'en va en fait. Voilà, c'est une espèce de malédiction autour de l'épée. Et c'est vraiment cette caractéristique particulière qui fait que, bah voilà, qui va déclencher le récit. Et puis là, de manière inexplicable. De manière inexplicable, la dame se dit « Oh, il faut que je déterre ce mec pour prendre son épée puis la passer autour de ma taille. » Genre, elle a vu toute la scène, apparemment elle a compris que l'épée ne pourrait pas être enlevée par quelqu'un s'ils n'ont pas la valeur du chevalier qui vient d'être tué. Mais elle se dit quand même « Je vais aller le déterrer, profaner sa tombe et puis mettre cette épée autour de ma taille. » Et puis la ramener à la cour, ça va être sympa. Donc cette dame, on ne sait pas trop pourquoi. Ben, en fait, il y a le défi que la personne qui devrait la cindre et la descendre serait brave. Et puis, on a l'impression qu'elle décide qu'elle n'est pas lâche, en fait, vu qu'elle est vraiment courageuse et tout. Donc, du coup, elle va déterrer le corps du chevalier pour prendre la ceinture, en fait, et l'épée. Et effectivement, elle ceint l'épée. Et elle se rappelle, effectivement, hein, on lui dit qu'elle n'a pas oublié, elle est parfaitement consciente. Mais elle n'arrive pas à la délasser. Donc, elle se dit « Ah bah, il faudra que quelqu'un de valeur arrive pour me la prendre. » Et du coup, bah, c'est parfait. Je prendrai pour l'épouser la personne qui m'enlèvera l'épée de ma ceinture. C'est vraiment un truc assez... Ouais, c'est ça. On a tu vois les petits... le mécanisme dans sa tête qui est en train de faire tic-tic-tic au moment où elle s'empare de l'épée. Un autre aspect qui est assez marrant, c'est que le type qui amenait le chevalier mort était apparemment accompagné par toute une escorte de gens une procession funéraire en fait. Et puis ils arrivent à l'entrée de l'église et puis lui il les retrouve dehors, puis il leur fait non, nous devons suivre les consignes que notre maître nous a données avant de mourir. Vous pouvez pas venir voir son corps. Oh bon d'accord, alors on va pleurer ailleurs. Et puis ils partent. Puis du coup la dame peut venir le déterrer parce que sinon probablement qu'il y aurait eu une espèce de veillée funéraire ou quelque chose. Mais là, on doit expliquer ça d'une manière un peu genre « Oh non, non, on peut pas rester surveiller la tombe 30 secondes, on doit tout de suite s'en aller. » Donc, ce qui est drôle, c'est quand elle revient en chemin, enfin, après être arrivée, elle arrive après à la cour dans un état assez déplorable parce qu'elle elle a la peau lacérée par les ronces, elle a les mains tachées, le visage, elle a des blessures partout. Et le roi Rhys est un peu surpris parce qu'il n'avait jamais vu une dame qui portait l'épée. Et du coup, il se dit « Mince, elle a réussi le défi et elle va me demander en mariage. » C'est son premier réflexe. « Ah, je ne vais plus pouvoir voir ma copine la reine d'Islande parce que celle-là, elle va me demander en mariage. » Je trouve très drôle ce moment-là. Et puis du coup, elle rigole. Puis elle dit « Vous avez peur de ça ? Non, non, ce n'est pas vous que je veux. Vous pouvez dormir tranquille. » Déjà, vous me rendez mon château. Et c'est exactement ça, elle lui demande de libérer sa cité, de sortir tous les hommes des prisons et de partir, et de ne jamais de rentrer sur ses terres et de ne faire aucun mal. Et franchement, dans ce roman d'ailleurs, comme dans dans beaucoup de romans arthuriens, mais sûrement particulièrement, il y a beaucoup de types qui sont vraiment présentés comme des méchants qui, on leur fait promettre un truc et du coup, jamais plus ils ne reviendront dessus. Pour autant qu'il l'ait promis, c'est bon. Non, puis c'est un des rares romans où quand il y a le motif du don contraignant, c'est pas juste pour essayer de kidnapper la femme du roi, ce qui était un peu la norme qu'on a vue assez régulièrement. Ouais, au point que Crillon se dit, bon, bah, j'ai pas de femme à kidnapper, donc ça doit être peu kidnapper, moi. Et puis, mais du coup, donc, c'est un gag qui va être un peu récurrent. À chaque fois que les gens vont voir cette dame avec une épée, ils vont être là, une dame qui porte une épée. Je n'ai jamais vu une dame qui porte une épée. Et puis, du coup... J'aime bien parce qu'on nous explique à quel point c'est compliqué maintenant de s'habiller parce qu'elle ne peut pas l'enlever. Donc du coup, quand elle doit se mettre, physiquement... en robe... Elle doit coincer ses trucs sous la... Je comprends pas, elle explique pas pourquoi elle s'habille pas juste par-dessus. Bon, j'imagine que c'est pas très pratique d'avoir une épée sous la robe et tout. Non, mais elle glisse en fait la robe entre l'épée et sa peau. Puis du coup, j'ai l'impression que c'est surtout que ça fait bizarre parce que ça fait des plis ou des trucs comme ça. Au lieu d'être tout dans une forme assez droite, elle a cette espèce d'épée qui fait qui lui fait des bourrelets autour de la taille parce que du coup, l'étoffe se coince dedans, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'elle appelle une servante pour par-dessus. Ouais, alors je sais pas, c'est... mais elle peut pas enlever l'épée, donc à mon avis ça ferait une bosse sous sa robe en fait, c'est pour ça. En tout cas, et puis personne verrait l'épée du coup. Non, et elle, ce qui est marrant, c'est que sa servante c'est genre Brangien, c'est ce qui illustre bien le côté vraiment name-dropper de l'auteur, qui d'ailleurs faisait une liste des rois qui étaient chez Arthur, long comme le bras avant. Bah là, on nous dit, la damoiselle s'appelle Brangien, wink wink nudge nudge. Regardez, comme dans Tristan. Donc, ça illustre bien cette tendance un peu à faire des name drops parfois très mainstream. En l'occurrence, Brangien, ça doit être assez connu. Autant, parfois, on verra des personnages de la première continuation de Perceval qui apparaissent... Enfin, c'est un peu plus mainstream aussi, mais qui apparaissent comme ça assez particulièrement. C'est assez, assez drôle. Mais je pense que vous avez pas beaucoup de problèmes à deviner la suite de l'histoire. C'est qu'elle elle a un problème un peu magique. Elle va aller à la cour du roi Arthur, elle va lui dire « Roi Arthur, j'ai besoin d'aide », puis il dit « Ah non, mais là, on est occupé, on va aller sauver la dame de Caradigan. Non, mais c'est moi, c'est bon, je me suis libéré. » Quoi, elle raconte l'histoire. Et puis elle dit « Par contre, j'ai cette épée, et il faut que je teste, il faut qu'un chevalier valeureux l'enlève de ma taille. » Et je me suis dit « Pourquoi pas venir à ta cour ?» Donc tout le monde va essayer, d'abord que, bien sûr, parce qu'il faut qu'il échoue en premier. Et puis, personne n'y arrive, et Gauvin est absent. On peut pas lui demander, donc on lui dit écoutez, restez à la cour, vous allez devoir attendre que Gauvin revienne pour qu'il essaye. Dans l'intervalle, il y a un chevalier qui arrive à Camelot, qui est l'écuyer de Gauvin, et Gauvin est absent en fait. On dit Gauvin, je crois qu'il y a aussi Girflay, puis un autre chevalier, je sais plus qui d'autre est absent, mais enfin, Gauvin a fait venir ce chevalier qui demande au roi en fait qu'on le fasse chevalier en fait à la demande de Gauvin express en fait. Gauvin, Girflay et Thor sont absents, mais il y a ce chevalier qui arrive et il demande et il dit justement votre neveu est parti il y a quelque temps, mais il vous a dit, vous lui avez promis de faire ce que lui voulait, et il veut que je me sois fait chevalier. Et donc du coup, le roi Arthur le nomme chevalier, lui donne une épée et l'habille. Et du coup, la dame de Cardigan dit « Ah bah voilà, il y a un autre chevalier là, pourquoi il pourrait pas essayer de me tirer l'épée ?» Et effectivement, c'est ce qu'il fait, en fait. Mais il le fait d'une façon assez, assez méchante par rapport à... Parce que l'autre, la dame... il y avait tout un cérémoniel. Lui, il le fait et il lui demande de monter sur la table pour qu'il puisse le faire en restant assis à cheval, en fait. Oui. Ce que je trouve très drôle. Il veut. C'est en fait. On reprend la scène de Perceval qui était entré à cheval à la cour. Mais là, il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Genre, Perceval, il est entré à cheval à la cour parce qu'il ne connaissait pas les usages. Là, on n'est pas vraiment sûr de pourquoi. Puis alors, il prend l'épée, il la met et puis il se barre. Et du coup, que l'appelle le chevalier aux deux épées, parce qu'on lui avait dit qu'il avait pas, il connaissait pas son nom de baptême. Tout le monde, le roi dit « Ah, mais je sais même pas son nom, en fait. Qui c'est qui connaissait son nom ?» Et en fait, effectivement, personne ne savait son nom. Genre, c'était pas dans la procédure pour l'adoubement. Il fallait tout à fait... il fallait être un bon chevalier, mais pas besoin de savoir son nom. Et du coup, un des motifs récurrents de l'histoire, c'est que la dame de Cardigan va pas arrêter de demander à Arthur qu'il aille chercher le chevalier aux deux épées pour en faire son mari, en fait. Elle lui rappelle sa promesse régulièrement, parce qu'elle est, chaque fois, elle est un peu en rage, parce qu'il n'y a rien qui se fait pour que ce type revienne à la cour pour qu'elle puisse l'épouser, en fait. Ce que je trouve très, très drôle. Ouais. Ce que j'aime bien dans ce roman, en fait, c'est le côté un peu... le fait que Gauvin est le chevalier aux deux épées, donc Meriadoc, avait clairement une espèce d'aventure un peu hors champ dont on sait rien, et c'est pour ça qu'ils sont pas là. Enfin, c'est genre le chevalier qui vient et qui dit « Oui, vous vous rappelez, on était à la cour la dernière fois. » Enfin, il y a des espèces de flashbacks, puis on n'a pas forcément besoin de nous raconter tout ce qui s'est passé là-bas. Il y a un peu de... Peut-être pas de mystère, mais je trouve ça intéressant. Voilà, exactement. Et du coup, il y a, dans l'intervalle, alors évidemment, le roi a fait pourchasser le chevalier de épée par ses hommes, par Yvain, Sagremor et compagnie. Et le chevalier de épée les met à terre super facilement parce que c'est un prodige, alors qu'il vient d'être nommé chevalier, donc c'est pourtant un peu bizarre. Mais ça ne fait en fait qu'ajouter à l'envie de la jeune femme d'en faire son mari, parce qu'il est, s'il est vraiment un si bon chevalier. Et finalement... Le roi Arthur dit bon, on va attendre que Gauvin et ses compagnons reviennent, comme ça on les enverra après lui. Dans l'intervalle, il faut vraiment que j'aille me battre contre Rhys parce que il m'a vraiment trop insulté en fait. Et du coup, ils vont quand même aller sur la trace du chevalier aux deux épées, mais il va arriver une aventure un peu bizarre. À un moment, ils sont à Clamorgan. Ils sont allés, les chevaliers sont en fait allés un peu partout dans la ville. Ce qui est marrant, c'est qu'on nous dit à quel point les chevaliers vont faire leur petite fête un peu chez les uns chez les autres. Ils sont pas forcément tous toujours ensemble avec Arthur. Par exemple là, c'est la blague de Mission Cléopâtre. C'est il y avait juste les intimes, pas plus de 140 chevaliers. cette blague de Mission Cléopâtre qui me fait toujours marrer. Là, y a une litière en fait qui arrive. Et dans lequel il y a un chevalier blessé à la cour d'Arthur. Et en fait, il est entouré de 10 chevaliers qui, sans un mot, posent la litière au pied de la table et qui se commencent à pleurer à haute voix, en fait. Puis alors, Arthur commence un peu à s'énerver. Puis on se dit, oh là là, si vous lisez des romans arthuriens, vous dites, ah, c'est une aventure un petit peu merveilleuse avec un chevalier blessé. Peut-être qu'il a un tronçon de lance planté dans le corps. Et puis, il va falloir trouver l'autre moitié pour retrouver qui l'a tué. Puis, lever l'enchantement. Et puis, peut-être que... Puis donc, tout le monde se met à faire du bruit, des lamentations, etc. Puis, Arthur et d'autres chevaliers n'arrêtent pas de leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ici. Personne ne répond. Jusqu'à ce qu'Arthur commence à les menacer de leur trancher la tête, quoi. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que Ça continue à arriver. Il y a une deuxième litière avec 10 chevaliers qui arrivent, qui pose de nouveau une litière avec un chevalier blessé dedans qui commence à pleurer. Il y a une troisième litière, il y en a 9 qui arrivent, et la dixième litière, elle est transportée par 20 chevaliers, et elle est encore plus belle et encore plus magnifique. Et il continue à pleurer devant la tête du roi, et là, il est complètement rouge de colère. Et finalement, l'homme qui est dans la dixième litière leur ordonne à tout le monde de se taire. Il relève son visage, il est vraiment ultra faible et il est à l'article de la mort. Et il dit, voilà, vous pouvez nous faire tuer si vous voulez, mais le roi se rend compte, bon, ils sont quand même en mauvais état, on ne va pas les faire mourir. Et il leur certifie, bon, vous êtes en sécurité ici, maintenant, vous pouvez me dire qui vous êtes. Et le dixième homme révèle son identité. C'est en fait Rhys d'Outre-Ombre, comme l'appelle le romancier, le méchant en fait de l'histoire. Et en fait... Il explique qu'après être parti de Cardigan, avec ses 9 chevaliers qui sont dans les litières autour de lui, ils sont entrés dans la forêt de Carduel, mais il y a un chevalier là-bas qui était appuyé sur sa lance, planté, entouré de chevaliers blessés qu'il avait battus, et qui était un peu perdu dans ses pensées. Et là, de nouveau, c'est un écho du conte du Graal, parce que c'est le motif de Perceval, près du camp d'Arthur, perdu dans ses pensées, avec les gouttes de sang sur la neige. Sauf que là, il est simplement perdu dans ses pensées. Et en fait, finalement, il a battu le roi Rhys et ses 10 compagnons, et leur a fait promettre d'aller se livrer à la cour d'Arthur, tout simplement. Donc, en fait, la bataille du contre le grand méchant, elle est terminée avant même d'avoir commencé. Et il révèle que, du coup, c'est le chevalier aux deux épées, parce que tel était son nom, comme il l'a révélé, qui lui a fait demander de venir à la cour d'Arthur. Donc ça, c'est... Voilà. Il y a un petit peu quand même... On voit des... Comme tu disais, est-ce que c'est des twists ou pas des twists? Mais on voit quand même justement où Arthur se prépare à aller libérer la dame de Caradigan. En fait, non, elle s'est libérée toute seule. On va aller battre Rhys. En fait, non, il est déjà battu. Et du coup, on va juste l'accueillir à la cour pour le soigner. Donc effectivement, il crée des attentes. Il va promettre d'être un loyal vassal d'Arthur à partir du moment. Et du coup, c'est là que revient Gauvin, en fait, qui va être que revient Gauvin à la cour, va être le principal protagoniste du gros de l'histoire. En fait. Ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que Gauvin, il a notamment une espèce de morning routine. Enfin, il est très matinal. Genre, il se réveille, on n'arrête pas de nous dire qu'il se réveille tôt le matin. Et il dit, il vaut mieux si on a la santé. Alors, bien sûr, si on est malade, il faut rester au lit, se reposer. Mais si on a la santé, bien sûr, il faut se lever. Donc, on dit que Gauvin se lève même avant les écuyers. Et que c'est lui qui doit aller réveiller son écuyer pour lui dire de préparer ses affaires. Même après avoir fait une fête de tous les diables, hein, on nous dit qu'il avait fait que le soir il est rentré, après avoir laissé le roi, il est rentré chez lui, et puis il prend avec lui que Gauvin, Perceval, Dodinel, Thor, Girflet, Lancelot, Gareth, puis ils font la nouba, quoi. Ils font la frat party, j'imagine la frat house de Gauvin. La frat house. Ils font des cake stands, et puis. Et malgré ça, Gauvin est quand même le premier à être réveillé aux aurores, en fait. Et en fait, il part direct pour aller chevaucher, mais sans armure. Sans armes, non, il profite justement de la splendeur, en fait, de la splendeur de l'aurore, et puis des oiseaux qui chantent dans les arbres, et puis il dit, mais quelle merveille, enfin, il chante un peu justement la beauté de tout ce qu'il voit. Malheureusement, il n'a pas d'armure. C'est son moment Sound of Music. C'est ça, et il y a quelqu'un qui va le trouver, c'est un certain Brian des Îles, un personnage qui fait partie de ce stock de personnages arthuriens assez courant, hein, quand on veut un nom arthurien, il revient assez souvent depuis la tradition autour de Perceval. Et c'est un cas où c'est un chevalier qui est jaloux de Gauvin justement parce que son ami, enfin la dame qui convoitait, la reine des îles, disait que seul Gauvin méritait son amour. Et elle lui a dit, bon ben si tu tues Gauvin, peut-être éventuellement que je pourrais t'épouser parce que ben tu seras meilleur que lui et puis que je pourrais plus l'épouser lui quoi. Et donc il blesse Gauvin assez cruellement, bah, il n'a pas d'armure donc c'est assez d'une façon assez déshonorable quoi. Et il le transperce dans le ventre d'une espèce de... Alors le côté anatomique est assez intéressant parce que c'est un terme qu'on trouve, le vuit-bu. C'est une partie du tronc où apparemment ça veut dire basiquement dans la viande, on n'a pas touché la viande quoi. C'est quand on se fait planter dans le ventre mais qu'on n'a pas touché d'organes. En tout cas dans les romans médiévaux c'est à ça que ça sert. C'est une manière de dire c'est une blessure qui a l'air très grave mais en fait il va pouvoir en guérir assez facilement. Ouais parce que c'est ce qui se passe. Il faut s'imaginer que quand même dans le tronc sans que ça touche l'estomac, l'intestin, les poumons ou le cœur, c'est une belle, ouais. C'est chanceux quoi. C'est un coup chanceux. Non, c'est ça. C'est bon, ça lui a transpercé le foie, mais il en a un autre. C'est bon. Dans le fond du corps, nous dit la traduction de. J'aime bien cette expression de faux du corps. Je trouve ça assez joli comme verbe. Bah, si on imagine Gauvin un petit peu plus grassouillet, on peut imaginer que voilà, il y a une espèce de couche de gras qui prend pour lui. Mais en tout cas, Gauvin est laissé pour mort, donc lui, Brian des Îles, il est convaincu de l'avoir tué. Gauvin se remet de ses blessures après un bon moment quand même. Il part en quête de Brian des Îles. Alors c'est assez intéressant parce que Gauvin, justement, il revient dans son lit, gravement blessé, puis il se recouche. Et puis à la cour, on commence à s'inquiéter, puis on se dit, mais c'est marrant, Gauvin n'est pas là, alors que normalement c'est lui qui est tout le temps réveillé le matin et tout. Puis finalement, les gens viennent voir et puis voient que bah, il est couvert de sang, etc. Et puis qu'il y a peut-être un problème. J'aime beaucoup le roi Arthur et la reine qui disent, bon, il faut quand même qu'on aille le réveiller parce qu'à cette heure-là, c'est pas des horaires, jeune homme. C'est ça. L'impression d'entendre un type qui est. Gauvin ado. Et du coup, non, on nous dit que son nom, c'est Lord... la reine des... En fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une dame qui vient chercher Gauvin qui s'appelle Lord Branlant. Puis au début, j'ai cru que c'était la dame qui s'appelle aussi Lord, en fait. La dame de Cardigan, elle s'appelle aussi Lord, on nous le dit à la fin. Mais visiblement pas. En fait, ils envoient d'abord des demoiselles voir Gauvin. Peut-être parce qu'ils disent, bon, des demoiselles qui vont voir Gauvin, ça va le réveiller. Mais non, il répond faiblement. Et vraiment, il est guéri après un mois. Mais le roi lui a donné l'interdiction, en principe, de partir comme ça, direct. Et finalement, il finit par partir un peu discrètement un matin en demandant un valet. Et le truc, c'est que vu que le valet avait promis de ne pas laisser partir Gauvin, Gauvin envoie le valet se réfugier chez un vavasseur pour que le vavasseur aille ensuite dire à Arthur que Gauvin a demandé au valet de l'aider à partir pour pas que le valet soit accusé injustement. Et il va lui dire qu'il va aller... la laisse venger justement de Brian des Îles tout en allant chercher le chevalier de deux épées. Il y a une aventure intermédiaire sur laquelle il va tomber, qui va être assez intéressante, surtout quand on arrive à la fin du roman. Mais donc Gauvin, il arrive chez un châtelain, donc voilà le standard un peu du vavasseur un peu en difficulté. On apprend qu'il y a Garnement de Northumberland, donc le fameux qui l'assiège et qui lui bouffe des pièces de son royaume, et que une des choses qu'il a exigées, c'était de se marier avec sa fille. Sa fille ne veut pas. Genre, il dit clairement, ma fille, elle n'a pas envie de se marier avec lui. Ça, donc, je voulais pas. Au début, je lui ai dit, peut-être tu pourrais te marier avec lui, mais finalement, elle ne veut pas. Donc, ça, je voulais pas la forcer. Maintenant, j'ai plus trop le choix parce qu'il va la prendre par la force, quoi. Et il l'a livrée à tous ses hommes. Et l'a livrée à tous ses hommes. Donc, il y a cette idée que, voilà, je lui ai refusé de me donner ma fille. Maintenant, il veut la faire violer par la piétaille. Gauvin dit, et puis dit, sauf qu'il m'a laissé un an pour trouver un champion, mais j'en ai pas trouvé. Puis Gauvin dit, bon bah ça tombe bien, je vais le faire pour vous. Il arrive à corriger à vaincre dans le duel de ce seigneur. Et puis ensuite, il peut passer une nuit avec la fille de ce gentilhomme. Et puis qu'on nous a décrit dans des termes extrêmement disons, c'est la plus belle créature sur Terre. On nous a décrit son corps dans ses moindres détails. C'est vraiment à la limite du porno. Hein, la description de ses seins, c'est vraiment. Ça met dans. On va se dire, ah, il va la prendre, ils vont avoir un concert charnel, ça va être magnifique. Et ça, j'ai l'impression que c'est fait exprès, en fait. Ça monte en puissance le côté. C'est fait exprès. C'est justement érotique. C'est un romancier qui joue assez bien avec les attentes du lecteur. C'est-à-dire qu'il connaît ses codes et puis il sait très bien ce qu'on attend. Et puis, pendant ce qui devrait être un peu leur nuit d'amour, elle se met à pleurer. Puis Gauvin se demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Puis elle dit, mais c'est juste que depuis que j'étais plus jeune, j'étais folle amoureuse de Gauvin. C'est lui que j'aimais, c'est à lui que je voulais donner ma virginité. Et je sais que c'est un peu, voilà, mais du coup, ça me gêne de ne pas pouvoir le faire. Puis Gauvin dit, ah mais c'est moi Gauvin. Puis il dit, non mais vous dites ça pour me, voilà, vous dites ça parce que pour me faire croire, mais je sais très bien que vous n'êtes pas Gauvin. Puis il dit, non mais c'est moi. Puis il dit, mais je sais très bien que vous n'êtes pas Gauvin parce qu'il est mort. Donc la rumeur de la mort de Gauvin est arrivée, puis c'est pour ça qu'elle est triste, parce qu'elle voulait donner sa virginité à Gauvin, puis elle ne pourra jamais le faire. Puis Gauvin arrive pas à la convaincre qu'il est Gauvin, puis du coup, il devra donc s'abstenir de coucher avec elle. Pour le moment. Et il faut préciser que Gauvin, en chemin vers le château de son père, en fait, du châtelain, père de cette fille, il sait qu'il est pensé être mort parce qu'il est tombé sur plusieurs parents, en fait, de Briand des Îles, qui se réjouissaient que Briand des Îles ait tué Gauvin. Puis chaque fois, il leur dit mais vous êtes sûr? J'ai l'impression que Gauvin, il est bien vivant. Puis chaque fois, les parents étaient en colère contre lui parce qu'il impliquait non, il va pas pouvoir se marier. Tu veux dire qu'il va pas pouvoir se marier avec la dame des Îles? Non, c'est n'importe quoi. Donc Gauvin est au courant, il n'est pas surpris les gens pensent qu'il soit mort à ce stade-là. C'est le cliché un peu, justement, les gens, c'est le cliché déjà de Gauvin qui refuse jamais de dire son nom, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui lui demande, il le dit toujours. Et puis il y a aussi le cliché qui est assez marrant, puis qu'on avait vu dans L'Âtre Périlleux, c'est qu'il dit pas directement « je suis Gauvin », il dit « j'ai vu Gauvin pas plus tard qu'aujourd'hui et il m'a semblé en parfaite santé », ou des choses comme ça, avant de dire « non mais Gauvin c'est moi ». Une fois que les gens lui demandent son nom, généralement. Puis il y a aussi ce côté du Gauvin qui est mort, la rumeur de Gauvin est mort. Puis évidemment, vu qu'à l'époque, c'était difficile de connaître le visage de quelqu'un si tu ne l'as pas rencontré en personne, même si tu le rencontres en personne, s'il a son armure et tout, tu ne vas pas connaître son visage. Là, l'idée, c'est que Gauvin, il peut dire ce qu'il veut, les gens ne vont pas reconnaître son visage particulièrement, sauf à vraiment l'avoir vu de près auparavant. Donc ça explique aussi le fait que c'est pas facile de prouver finalement son identité, quoi. Non, c'est ça. Ça pose aussi la question de comment les dames peuvent tomber amoureuses de Gauvin quand elles l'ont jamais vu ou qu'elles le connaissent pas directement. Donc c'est vraiment avec sa réputation purement qu'elles tombent amoureuses. Exactement, la réputation, les récits, ses exploits. Mais donc Gauvin arrive finalement au royaume des îles et il va interrompre le mariage. Donc c'est un peu le c'est vraiment la scène. Ça fait vraiment la scène dans Shrek, quand il y a Shrek qui débarque dans le mariage, je m'y oppose. Et puis il dit, il vous a menti, il m'a pas tué, etc. Et puis il le corrige là-dessus, il y a une espèce de... Il y a un truc, parce qu'il y a le chevalier aux deux épées qui est là aussi, en fait. Hein ? Le chevalier de épées est aussi là sur place quand ils arrivent à la cour de sur le barrage. C'est vraiment, ils sont sur l'esplanade, il y a le mariage qui va se faire. Et puis il y a le chevalier aux deux épées qui est là, mais qui dit pas qui il est. Et puis bien sûr, Gauvin le reconnaît pas parce que il sait pas qui est ce chevalier aux deux épées en fait. On nous dit simplement, vint là un cheval équipé de tous les armes. Il avait deux épées saintes. Il vint s'installer directement à côté de Messire Gauvin qui le regarde et le reconnaît bien, mais ne fait semblant de rien. Et l'autre ne reconnaît pas Gauvin par contre. Le chevalier de épées ne reconnaît pas Gauvin. Il faut le préciser. Et du coup, Brian dit, ah là, Gauvin a été tué. Mais le chevalier aux deux épées dit, bah voilà, Gauvin, s'il est mort, c'est moi le plus haut chevalier du monde, c'est moi le meilleur chevalier du monde. Et Gauvin, disons, entend ça et dit, il se fâche, puis il dit, si j'étais mort, Gauvin, il n'y aurait pas de meilleur, il n'y aurait pas de meilleur chevalier que moi. Mais le truc, c'est qu'une fois que le chevalier aux deux épées a dit que si Gauvin est mort, bah, c'est lui le meilleur chevalier du monde, Gauvin dit non, mais quand même, même si j'étais mort, il y aurait d'autres chevaliers qui seraient très bons au-delà de vous. Et du coup, il y a une espèce de bataille qui se prépare. Et les deux chevaliers, donc Brian et sa maîtresse restent un peu interdits. Et les deux chevaliers se battent, en fait. Et puis finalement, après un moment, Gauvin se dit bon, quand même, je sais que c'est mon ami, même si elle a été un peu arrogant. Il mérite pas ça, donc du coup ils interrompent plus ou moins les choses l'autre chevalier, le chevalier de épée, demande son nom à Gauvin, et du coup Gauvin dit qui il est, et du coup ça ajoute encore le trouble parce que évidemment ça veut dire que Gauvin n'est pas mort. Et du coup, le chevalier aux deux épées abandonne toute prétention à être meilleur que Gauvin. Puis du coup ils se retournent les deux contre Brian, qui est un peu en position de faiblesse. Et du coup, Brian essaie de dire « Non, mais j'ai tué Gauvin !» Et la reine demande à Brian de raconter « Mais comment vous avez tué Gauvin, en fait ?» Parce que Gauvin dit « Demandez-lui de raconter l'histoire, vous verrez s'il est honorable et s'il est un bon chevalier. » Et du coup, Brian dit qu'il a tué Gauvin, parfaitement honorablement, mais Gauvin raconte la vraie histoire, comme quoi il n'était pas en armure, qu'il lui a demandé d'aller chercher son armure s'il voulait se battre contre lui, mais le chevalier Brian a refusé, et que du coup, c'est pas honorable, et qu'il est prêt, Gauvin, à se rebattre en duel contre Brian, et lui donne son gage, en fait. Et du coup, il demande à se battre immédiatement contre Gauvin, et évidemment, Brian se bat de façon extrêmement sauvage, mais un peu imprécise, mais du coup, il finit quand même par gagner, et Brian voit son casque qui tombe, en fait, quand il tombe à terre, et finalement, il demande pitié, et Gauvin lui accorde. Et c'est un thème qu'on va voir revenir. Les chevaliers, parfois, ne demandent pas du tout pitié, et dans ce cas, il n'y a aucun scrupule à les décapiter et à les achever, quoi. Mais là, si le chevalier demande pitié... Il y a pas mal de ça, il y a pas mal de décapitations de prisonniers dans ce roman-là, en tout cas. Pour autant qu'il n'ait pas à demander grâce. Hein. Si le chevalier demande grâce, alors tout ce qu'il doit faire, c'est aller demander grâce à la cour d'Arthur. Ah non, s'il demande grâce, il est réintégré dans la société civile immédiatement, il devient pote avec Arthur et tout. Le modèle du chevalier qui se fait décapiter, c'est bien sûr le Méléagant dans le chevalier de la charrette. Qui, la conclusion du roman, c'était que Lancelot finissait par le décapiter, justement. Bah c'est ça, les chevaliers sont soit irrémédiablement mauvais, dans ce cas, tu peux que les décapiter, soit ils sont fondamentalement bons, donc on peut tout à fait les réintégrer à la société. En l'occurrence, Brian s'inquiète parce qu'il dit, vu que j'ai tué Gauvin, si je vais à la cour d'Arthur, ils vont penser que je suis simplement je suis vraiment celui qui a tué Gauvin, ils vont vouloir ma mort parce qu'ils adoraient Gauvin. Et finalement... le chevalier aux deux épées va dire non, c'est pas un souci. Enfin, Gauvin va dire vous avez aucun souci, vous allez dire que Gauvin a trouvé le chevalier aux deux épées et qu'ils sont maintenant ensemble et ils sont de compagnie en fait. Et du coup, ils sauront que vous m'aviez pas tué. Et en fait, il lui dit pas que ils étaient parfaitement conscients que Gauvin était pas mort parce que Gauvin était revenu au château, quoi. Et du coup, Gauvin et le chevalier aux deux épées partent, mais bien sûr, ils n'ont pas dit leur nom, en fait. Gauvin a dit son nom qu'au chevalier aux deux épées, il n'a pas révélé son nom à tout le monde. Et du coup, personne ne comprend ce qui s'est passé, personne ne comprend qui sont ces deux chevaliers qui sont venus. Et du coup, 10 chevaliers vont les poursuivre, mais Gauvin et le chevalier aux deux épées refusent de revenir. Mais à ce moment-là, ils leur disent « Voilà, je suis Gauvin, le neveu du roi Arthur ». Et c'est pour ça qu'on ne reviendra pas en arrière et que vous pouvez dire ça à votre dame, voilà, la question est close, en fait. Et du coup, la dame, en fait, s'effondre quand elle apprend que Gauvin était le chevalier qui a battu Brian, parce que du coup, c'était vraiment la honte, elle y a échappé belle, en fait. Et du coup, elle demande à prendre Gauvin comme mari, inévitablement, parce que maintenant qu'elle apprend qu'elle est vivante, puis vu que c'est ce qu'elle avait dit après tout au chevalier des îles, à Brian, bah, pourquoi pas passer à l'action, quoi. Et elle va envoyer des messagers à la cour d'Arthur pour demander... elle dit qu'elle va demander à la cour d'Arthur la main de Gauvin, ce qui pourrait être un peu problématique parce que la copine de Gauvin, la damoiselle du port, donc celle avec qui il a failli coucher tout à l'heure, elle est allée entre-temps à la cour d'Arthur où elle a appris que Gauvin était bien vivant et que le type qui lui avait dit qu'il était Gauvin était bien Gauvin. Donc, ça serait une rencontre un peu difficile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir un passage un peu... ça m'a rappelé quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, où les hommes de la Dame des Îles vont lui dire « Non, mais c'est pas une bonne idée d'aller chez Brian, ça serait compliqué, ça humilierait Brian, parce qu'il y en a deux qui sont parents avec Brian. » Il y a tout un aspect politique, en fait, ouais. qui vont essayer de la dissuader d'aller demander la main de Gauvin, en fait. Ça me fait un peu penser, ça doit être, c'est quoi, c'est dans la Vengeance Raguidel où à la fin il y a le conseil des barons qui essaye de lui oui, dire si c'est un bon mariage ou pas, ce genre de choses là. Mais là en l'occurrence c'est très drôle parce qu'on dit, ouais, il y a quand même des parents de Brian qui restent assez influents dans le royaume, quoi, malgré le... C'est pas parce que leur cousin a fait des bêtises que vont perdre cette humiliation. Et donc Brian va retrouver la cour d'Arthur pour expliquer tout ça et il va comprendre que... Le roi fait grand cas de lui, est très content parce que du coup il apprend des nouvelles du chevalier de deux épées et il lui révèle aussi évidemment que Gauvin est encore en vie parce que comme on l'a vu, hein, Gauvin ne lui a pas dit à lui qu'il était Gauvin, il a seulement dit au chevalier de deux épées qu'il était Gauvin. Donc Brian va comprendre que finalement Gauvin n'est pas mort, quoi. Et il va rester à la cour et tout le monde va l'appeler le beau prisonnier, parce qu'il est techniquement prisonnier, et du coup, ça va le faire se sentir humilié un petit peu. Et puis, justement, ça, c'est un peu la fin du premier arc de l'histoire. Le deuxième va être déclenché par un jeune homme qui vient justement... C'est-à-dire que Gauvin et le chevalier aux deux épées vont repartir en chemin, et puis un jeune homme qui va venir dire « Je cherche le chevalier qu'on appelle aux deux épées, parce que... j'ai un message à lui transmettre et il lui dit votre père a été tué et celui qui l'a tué c'est Gauvin. » Et puis alors le chevalier aux deux épées a un énorme conflit intérieur parce qu'il se dit mais on était des compagnons de route, etc. Je peux pas l'attaquer maintenant parce que ce serait mal vu, je peux pas faire ci, je peux pas il faut que je voyage jusqu'à ce que je trouve Gauvin et je l'affronterai en combat singulier pour venger la mort de mon père. Puis du coup, il donne l'écu qu'il avait à ce jeune messager et il prend l'écu que le messager a parce qu'il avait l'écu de son père qui s'appelle Bléris, qui est en fait le chevalier qu'on a vu être enterré dans la chapelle abandonnée. Et il dit que du coup, il va devoir se battre contre Gauvin. Et du coup, il dit à Gauvin, messire Gauvin, à partir de maintenant, je vous déteste. Je suis désolé parce que j'avais une si sincère amitié entre vous, mais maintenant envers vous, mais je ne peux pas. Je ne peux pas la continuer. Maintenant, vous avez tué mon père et je vous défie. Et la prochaine fois qu'on se croisera, je vous combattrai. Puis Gauvin n'arrive pas à lui poser des questions. Il n'arrive pas à en tirer quoi que ce soit. Et il part. Le chevalier aux deux épées, il arrive. Il va retourner, en fait, vers le domaine de sa mère, en fait. Donc, l'ancien domaine, théoriquement, là où il a grandi. Au lac aux jumelles. Le lac aux jumelles, je crois que c'est... Est-ce que c'est parce qu'il y a deux tours est-ce que c'était ça? J'étais pas sûr que c'était ça, l'implication. Parce qu'il parle de la fortification. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le lac aux jumelles parce qu'il y a des tours jumelles? Mais je crois pas que ce soit dit. C'était pas très clair. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il reconnaît pas sa mère, en fait. Sa mère l'appelle Marie, cher mari, cher fils. Elle est un peu confuse parce que son mari est mort, mais son fils ressemble beaucoup à son mari. Et il semble qu'il ait dû quitter sa mère assez jeune, en fait, si on est assez clair là-dessus. Parce qu'il connaît pas bien sa sœur non plus, on verra après. Donc, il est assez clair qu'il a peu de souvenirs de sa mère. Mais du coup, sa mère va lui expliquer ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que... alors, on dit il y a 4 jours qu'il est mort. C'est un peu incompatible avec la temporalité. Ouais. Peut-être plutôt 4 mois ou quelque chose comme ça. Ça collerait mieux, 4 mois. En fait, elle a appris entre-temps que le chevalier aux deux épées avait été anobli et qu'il était promis à la dame de Cardigan, etc. Mais le problème, c'est que... qu'elle va lui expliquer que Gauvin, qui a effectivement tué son père... l'a fait après une ruse, en fait, de l'ennemi ancestral du père, qui s'appelle Brian de la Gâtine. Donc, on a deux Brian, en fait, ou Brian. Brian des îles et puis Brian de la Gâtine. Et en fait, il s'était battu pendant longtemps contre Brian de la Gâtine. Il avait gagné, mais d'autant que Brian de la Gâtine n'était pas un très bon chevalier, mais Brian de la Gâtine avait emprisonné Gauvin. Et Brian lui avait demandé de se battre pour lui dans un duel. Et en fait... Brian avait établi avec Bléris, le père du chevalier aux deux épées, qu'il ferait un duel pour décider qui gagnerait. Et puis Bléris s'était dit, bah voilà, ça sera c'est un mauvais chevalier, Brian de la Gâtine, j'ai aucun risque. Et du coup, il avait pris des armes de mauvaise qualité, à part son épée, justement. Il avait pris une armure de très mauvaise qualité, et en face de lui, il avait eu Gauvin, en fait, qu'il avait tué. Du coup, bah, inévitablement, il était mort tragiquement par la faute de Gauvin, mais Bléris pardonne à Gauvin en mourant, et demande justement à être porté à la chapelle abandonnée et à faire mettre son épée dans sa tombe avec lui et à lancer toute l'aventure, en fait. Faut noter aussi que près du lac aux jumelles, le chevalier aux deux épées trouve une épée qui est toujours teintée de sang, qui a un peu une atmosphère un peu bizarre. Ce qui est rigolo, c'est que maintenant il a 3 épées. Pendant un bon moment, il va avoir. C'est ça, le titre. Le titre est mensonger. Parce qu'après, il décide de l'abandonner. Pas pendant longtemps, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Après un moment, il décide, ouais, je suis le cheval de 2 épées, je peux pas avoir 3 épées. Donc il abandonne l'épée avec laquelle Arthur l'avait adoubé et qu'il lui avait donné. Et du coup, il n'utilise plus que les 2 épées, celle de son père. Et puis cette épée rouge teintée de sang avec une drôle d'aura, en fait. Elle a une aura un peu bizarre. Au début, il dit je me rends compte que c'est un objet de quête, ça va être important, donc il la prend et il la passe autour de son cou, mais il se dit effectivement 3 épées, ça fait un petit peu trop, quoi. Donc on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais il s'appelle le chevalier aux 2 épées justement parce qu'il a l'épée que Arthur lui a donnée à son adoubement apparemment, et l'épée qu'il a enlevée sur la dame. Et comme tu le dis, c'est assez significatif qu'en fait, il laisse chez sa mère l'épée que Arthur lui a donnée. Genre, il y a cette idée quand même du chevalier qui a... une espèce de... Ce nouveau chevalier ou le bel inconnu ou Perceval l'autre, il a une loyauté étrange par rapport à la cour d'Arthur. Il n'est pas si attaché que ça à la figure du roi, quoi. Voilà. Ils vont aller... il me semble qu'ils vont aller à... Il va revenir vers la chapelle abandonnée, justement, où ils vont trouver, justement, les entraves. Et en chemin, en fait, ils vont avoir tout un... Il va y avoir toute une histoire où il va se retrouver entouré de demoiselles, en fait. Parce que Brian de la Gâtine a une réputation de s'attacher à des demoiselles, comme par exemple la sœur du chevalier aux deux épées, puis à les renvoyer ou les se fiancer avec elles ou les épouser, puis les jeter loin après, en fait. Donc il va se retrouver entouré, le chevalier aux deux épées, de demoiselles qui ont été maltraitées par Brian de la Gâtine. Et il va être aussi connu comme le chevalier aux demoiselles. À certains moments, il va se faire appeler le chevalier aux demoiselles pour cacher qu'il est le chevalier aux deux épées, en fait, ce que je trouve assez drôle aussi. Et puis, il reçoit des commentaires un peu misogynes parfois, où il y a des chevaliers qui disent « Vous êtes le chevalier aux demoiselles ?» Et ben, ça se voit, parce que les demoiselles, ça se voit que vous êtes un petit peu avec toutes vos demoiselles, là. Il y a des commentaires qui sont régulièrement faits sur le fait que les demoiselles qui vont voyager avec lui sont un petit peu trop... sont pas faites pour les rudeurs du voyage. C'est-à-dire le fait de dormir à la dure dehors, etc. Elles supportent mal, chevaucher longtemps, ça leur fait pas du bien, elles sont tout le temps fatiguées. Et ça aboutit à des commentaires un peu dépréciatifs. Et puis lui, bien sûr, Merdoc est un gentleman qui les défend. Voilà, exactement, le chevalier aux deux épées est parfaitement, il leur trouve toujours à manger, etc., il les protège, et il finit par battre 6 chevaliers qui ont essayé de l'attaquer et qui vont finalement être renvoyés près au roi Arthur, qui va apprendre ce à quoi il est occupé. Il va chercher du coup une grande entreprise pour aller le retrouver, parce que la dame de Cardigan n'arrête pas de l'embêter avec des mais vous m'aviez promis que vous alliez revenir, venir me retrouver mon chevalier, c'est un scandale, ouais. Ça fait bientôt un an. Et finalement, il va à force de continuer avec les dames à chevaucher, Brian de la Gâtine apprend qu'il y a un chevalier qui est en train de libérer les dames qu'il avait emprisonnées ou mises dans des circonstances pas très agréables. Et du coup, il va s'équiper et il va aller à la rencontre de ce chevalier aux deux épées. Ils vont se battre, mais Brian va... être battu Et puis il dit franchement non, ne me donnez pas grâce. Il n'y a aucun honneur à vivre en homme vaincu. Ouais. Et justement, c'est là qu'il est. On voit qu'il n'est pas un bon chevalier parce qu'il n'est pas capable d'accepter sa défaite, en fait. Il n'est pas capable d'accepter qu'il y a plus fort que lui ou qu'il y a, il y a de l'honneur à accepter qu'on est battu. Non, il est juste. Voilà, il est jusqu'au bout, il est dans son adversité contre le chevalier de épée. Et le chevalier de épée lui tranche la tête. Tout le monde est très content. Les demoiselles sont contentes d'être. Les dames, c'est techniquement des dames. Et finalement, il va arriver à un couvent. Où on va lui apprendre que sa sœur en fait était dans ce couvent et qu'elle allait devenir une nonne s'il n'était pas, parce qu'elle avait été déshonorée par Brian, s'il n'était pas venu la chercher. Donc finalement la demoiselle est sortie du couvent et va revenir à la maison avec lui. Et puis, comme tu dis, Arthur a lancé une véritable entreprise de search and rescue pour le chevalier aux deux épées. Donc, basiquement, il a bougé sa cour à différents endroits. Puis, apparemment, il est fixé autour d'une espèce de forêt. Et puis, ses chevaliers passent leur temps à tourbillonner dedans en essayant de trouver des aventures et puis de trouver le chevalier aux deux épées. Il croise Girflet et puis il arrive à le battre, d'ailleurs. Mais en s'appelant justement le chevalier aux dames pour cacher le fait qu'il est le chevalier aux deux épées. Il y a le côté où il veut pas être reconnu, mais il n'y a aucune raison vraiment pour ça. Genre, il pourrait y en avoir une, un peu sur le côté « Oh, Gauvin a tué mon père, je suis énervé contre Arthur et puis tous ses chevaliers. » Mais on a l'impression que c'est juste gratuit, parce que sinon l'histoire s'arrêterait immédiatement, en fait. C'est ça qui est un peu artificiel, voilà, là-dedans. Il se tourne autour, il cherche le roi le cherche, mais il ne se trouve pas. Et quand il trouve quelqu'un, il va juste se battre. Et puis finalement, après bien des péripéties... Il y a Gauvin qui va de son côté tuer le fils de Brian de la Gâtine, contre qui qui est en train d'assiéger la dame du lac aux jumelles, donc la mère du cheval de deux épées. Et finalement, vu qu'il la libère, puis qu'il libère plusieurs villes, dont une ville qui s'appelle Tigan ou Tagan, là où la dame aux jumelles est justement retenue, celle-ci peut officiellement lui pardonner le meurtre de son mari, parce que c'était pas sa faute, il s'est battu en duel comme il l'avait promis. En fait, c'était un méchant qui avait demandé un don contraignant à Gauvin, c'est-à-dire, je fais ce que vous voulez, et Gauvin avait accepté de se battre contre Bléris, en fait. Et finalement, ils vont battre, Gauvin va battre tout le monde, il va tuer Galien, et il va... réussir à prendre la ville et à libérer la dame du lac aux jumelles. J'aime beaucoup Gauvin qui, justement, il dit « Je vais vous aider à combattre ces troupes, mais vous ne devez pas me demander mon nom et tout. » Puis il y a tout le monde qui est là « On s'en fout, viens avec nous maintenant !» Puis il assiste J'aime bien le côté où Gauvin qui s'allie avec la piétaille pour essayer de défendre les châteaux et tout, puis qui est là genre « Je suis désolé, je suis dans une quête chevaleresque, vous pouvez pas me demander mon nom. » Puis tout le monde s'en fout. Mais justement, une fois qu'il a levé le siège, la dame... va pouvoir lui pardonner explicitement le meurtre de son mari. Et ils vont... Donc, Meriadoc va quand même le trouver, puis il le défie en duel. Et puis, c'est la dame, justement, qui va devoir les réconcilier. Voilà, enfin, on voit qu'il le chevalier de épée le trouve, en fait, arrive, reconnaît Messire Gauvin, et fonce sur lui, en fait. Et en fait, c'est finalement la dame qui va courir à bride abattue vers les deux chevaliers et vraiment se placer entre les deux, en fait. Et... C'est assez intéressant parce que ça reste dans ce... Alors, on a pas mal dit que ce livre avait des... Enfin, ce roman avait une texture un peu misogyne par moment, mais pour le coup, il y a des dames très actives dedans qui font des choses vraiment... Là, elle chevauche littéralement, elle prend des risques, hein, elle se met vraiment pratiquement entre les deux. Et du coup, il se recule et elle explique toute la situation. Elle explique que Gauvin, non seulement n'était pas... n'a pas tué Bléris par traîtrise, mais parce qu'il avait fait une promesse à malencontreuse, mais pas maléfique à Brian, et que il a tué Galien, il a libéré le royaume en fait du cheval aux deux épées, donc qu'il a bien largement, il a acquis sa rédemption en fait quelque part. Ils vont du coup Meriadoc et Gauvin. Meriadoc connaît toujours pas son nom, mais ça va pas tarder. Gauvin dit, par amitié pour moi, vu qu'on est réconciliés, il faut que vous veniez avec moi à la cour parce qu'on a tous promis de vous ramener. Puis dites, j'ai quand même une quête à accomplir, c'est cette fameuse épée couverte de sang. Il faut que j'aille à la Fontaine des Merveilles pour savoir ce qu'il en est. C'est un des rares moments de l'histoire où je trouve que c'est à peu près organique, c'est-à-dire justement ces blocages où on dit « Non, on ne peut pas résoudre la quête parce que j'ai pas envie de revenir à la cour. » Là, pour une fois, on a envie de savoir ce qu'il en est de cette épée couverte de sang. Donc c'est quelque chose qui a l'air naturel quand Meriadoc dit « Non, on doit faire cette quête d'abord. » Et donc ils vont essayer de trouver cette fontaine où il y aurait des merveilles. De nuit, ils arrivent jusqu'à ce qu'ils entendent ils voyagent de nuit dans la forêt, jusqu'à ce qu'ils entendent un énorme bruit, que leurs chevaux sursautent et qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Puis je veux juste vous lire le passage en question parce qu'on a quelques merveilles qui se passent et puis qui font très merveilles arthuriennes, même si elles ne sont pas très centrales. La lune devient de plus en plus claire, ils pénètrent dans une clairière et voient arriver une si grande multitude de bêtes qu'il leur semblait qu'en toute la chrétienté, il ne devait pas y en avoir un tel nombre. Elles venaient toutes de s'abreuver à une fontaine qui coulait dans cette clairière, menée par un nain d'une petitesse démesurée, qui était vêtu d'un vêtement de soie, tunique et capuche, et qui portait pour plus de 500 marques de pierres et de bijoux dans lesquels elles étaient enchâssées. On n'avait pas compté en les disposant. Il y en avait une telle quantité qu'il faisait flamboyer la clairière tout autour dans un rayon d'une bonne portée d'arc. Donc là, on a cette idée des pierres précieuses qui brillent basiquement toutes seules. Il tenait un bâton de chaumier, une cravache et une panetière tout en soie. Il portait un diadème qui flamboyait à l'avant duquel il avait un rubis si éclatant que cela lui servait à guider ses bêtes chaque nuit de telle façon que cela ne lui posait pas de problème que la nuit fût épaisse ou claire. Donc une apparition assez merveilleuse d'une espèce de nain ou de lutin qui garde un énorme troupeau qui l'amène à cette fontaine. Et comme le relate la matière que je traite, qui n'irait pas raconter des mensonges, il menait avec une laisse de soie un grand chien, plus haut que lui de peut-être la taille d'une paume. Et puis, quand il le voit, en fait, le petit berger leur crie de sortir de son pâturage, et il lui court après, et puis, alors le berger, il rassemble toutes ses bêtes en quelques secondes, et puis il disparaît. Et donc, le joyeux Zépé dit que les charbonniers de la forêt lui ont dit qu'il y avait des merveilles qui se passaient à cette fontaine, et que chaque nuit, il se produisait des choses du genre. Ils voient un cerf, ils entendent des aboiements de chiens, ils voient un cerf qui avance tout droit à travers le pâturage, il est poursuivi par une troupe de chasseurs et de chiens, et puis ils disparaissent, ils n'entendent plus rien. Donc il se passe des trucs, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Et puis de nouveau, ils entendent un énorme vacarme, et puis ils voient un très grand nombre d'écuyers et de serviteurs qui arrivent, qui plantent des tentes et qui dressent des pavillons, tout le monde se met à faire du feu, puis le chevalier... On continue à regarder ce qui se passe. Et puis, il y a des gens qui arrivent et qui crient des lamentations. Et puis, ils entendent un certain deuil pour un chevalier blessé. Et il y a des dames qui amènent une litière tout en pleurant, avec un chevalier qui, justement, est en train de se lamenter de sa douleur. Et c'est là qu'ils vont pouvoir résoudre cette quête de l'épée ensanglantée, parce qu'en fait, c'est l'arme qui avait apparemment blessé ce chevalier-là. Voilà, c'est une épée, en fait, le chevalier de l'épée l'avait trouvée dans une source à proximité de la maison de sa mère, en fait, et c'était pas très clair qu'est-ce qu'il avait mise là. Il y avait un message, un poème, comme quoi la personne qui l'aurait... un seul des hommes qui l'aurait tiré pourrait s'en sortir vivant de l'avoir tiré. Enfin, c'était un peu... une idée assez similaire avec ce genre d'épée maudite, quoi. Et en fait, finalement, le chevalier avait été blessé et le type qui l'avait blessé avec la chevalier, et lui a dit, voilà, vous êtes blessé, sachez bien que vous ne guérirez pas de cette plaie jusqu'à ce que celui qui n'a pas de nom vous frappe en réponse de cette même épée. Elle a été recouverte de poison jusqu'en son milieu. Sur cette épée incrustée d'or est écrit le nom de cet homme. Le sang y restera visible jusqu'à ce que vous frappe de nouveau celui dont je parle. Je suis un chevalier enchanté, et parce que j'ai été un chevalier du bon roi Arthur de Bretagne, je vous prie que les choses en restent là, car vous y laisserez la vie si à présent vous étiez frappé une nouvelle fois de cette épée. Et du coup, il lui dit, le chevalier qui vous frappera est le plus courtois et le plus beau chevalier qui soit, sans contexte, le plus achevé de toutes les qualités. Donc en gros, il lui demande d'aller la faire porter à un endroit où les chevaliers passent souvent, et la condition qu'il met à ça, en fait, c'est que nul ne soit qui ceindra l'épée, quel qu'il soit chevalier, qu'il soit écuyer, l'épée même le tuera, à moins que ce soit celui qui a vocation à soigner le chevalier blessé. Donc en gros, l'épée est maudite pour tout chevalier que celui qui réussira. On ne sait pas très bien qui sont ces deux chevaliers d'ailleurs. Hein, le chevalier blessé, en l'occurrence, on va apprendre son nom, c'est Gauss de Norval. Il apparaît pas ailleurs, mais le chevalier qui l'a blessé est aussi un chevalier arthurien, donc c'est un peu curieux comme structure, je trouvais. Ouais, il y a... C'est aussi un chevalier. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ils disent, et Edam qui demande, mais vous deux, les deux chevaliers là, vous savez pas des informations sur cette épée? Puis Gauvin, il dit, ah, je peux pas vous aider. Et puis vous, vous avez pas des informations sur cette épée? Ah bah oui, je l'ai ici. je l'ai là. Ouais, c'est... Et puis il dit, alors vous devez me frapper de nouveau avec. Puis il est là, mais vous êtes sûr? Puis il arrive, puis il voit la blessure qui pue, qui a l'air d'être vraiment gangrénée ou dégueulasse. Vous êtes sûr que vous avez envie que je vous tape dessus en plus? Puis il fait. Si je suis pas frappé de nouveau, il y a aucun moyen que je guérisse. Et si vous me tuez par ce geste, je vous le pardonne. Bon bah c'est pas. Here goes nothing. Et puis il hausse l'épée, il frappe sans retenir son geste, et le venin à l'instant même tombe de la plaie qui devient blanche et l'épée perd son rouge sur l'aile. Sur l'heure, elle est belle, nette, brillante. Le chevalier ne sent aucune douleur dont il reste à se plaindre. Il bande sa plaie et se met debout, ne ressentant aucune gêne. Et du coup, l'épée, comme elle est débarrassée de sang, il peut voir que dessus est écrit le nom du chevalier aux deux épées, c'est-à-dire Meriadoc, qui était le nom de son grand-père, donc a priori du père de son père. Voilà, Meriadoc, c'est donc ça vous fait peut-être penser à Meriadoc Brandebook dans Merry du Seigneur des Anneaux. Et le nom en fait est pas tiré de ce récit-là. C'est juste un nom breton en fait à la base. Il y a un saint Meriadoc, je crois, qui est un saint breton il y a des vies en cornique de sa vie. Il y a un roi qui a refondé la petite Bretagne qui s'appelle Conan Meriadoc, je crois, ou Conan Meriadec, et c'est un nom gallois, enfin c'est un nom breton en fait à la base, donc c'est pas de ce récit là que vient Merry et Pipin, mais sans doute une origine bretonne plus ancienne, mais c'est quand même une drôle de coïncidence. Et puis donc le chevalier s'appelle Gauze de Norval. Cause de Norval, donc. Je crois qu'il apparaît pas ailleurs. C'est. Je crois pas. Un Hapax. Norval, ça apparaît de temps en temps, mais. Gauze de Norval, en l'occurrence, c'est plus spécifique. Par contre, évidemment, le motif de l'épée qui refrappe la blessure, ça c'est plus courant quand même. Hein. C'est un motif qui fait un peu penser. Alors, c'est pas directement la même chose, mais l'idée du roi pêcheur, c'est assez similaire. Le roi pêcheur, le coup douloureux, ouais, ça revient là-dedans, ouais. En tout cas, voilà, c'est peut-être proche de la caisse d'El Saint Graal, quelque part. Il y a peut-être des récits avec... Des parallèles à avoir avec les récits en prose, là, pour le coup. Non, c'est probablement influencé par ça, ou par le Père Lesvos, ou par... En tout cas, c'est dans la caisse qu'il y a bien ce l'épée qui cause la blessure et aussi l'épée qui soigne. Mais, effectivement, c'est un peu sécularisé, quelque part, ici. Il y a ce côté beaucoup plus... voilà, normalisé, c'est simplement une merveille parmi d'autres. Mais du coup, on apprend le nom de notre héros, effectivement, on vous l'a déjà dit à quelques reprises, Meriadoc, donc, ou Meriadoc, qui est effectivement ce chevalier, donc, qui va apprendre son nom ainsi. Ce qui est un peu, voilà, curieux, que personne n'ait voulu le nommer avant, ou que personne n'ait su son nom. Je me suis demandé s'il n'y a pas... Il dit que c'est le nom de son grand-père, en fait. Donc peut-être que le chevalier arthurien qui a blessé l'autre chevalier, c'était soit son père, soit son grand-père. C'était une idée que je me suis faite, en fait. Ce qui expliquerait pourquoi, bah, du coup, il y a ce nom-là. Et pourquoi l'épée a été finalement laissée près de chez sa famille, en fait. Mais les aventures de Meriadoc et Gauvin n'ont pas pris fin parce que dans l'intervalle, il s'est passé un twist assez. Ça m'a fait penser au Tristan en prose en fait, à la fin du Tristan en prose. Tout est fini, mais on apprend qu'il y a encore un méchant qu'il va falloir battre. C'est le bah c'est justement, quand tu parlais du Seigneur des Anneaux, c'est le nettoyage de la comté. Ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux dans sa structure en fait, un peu ce récit avec ses fins multiples comme ça. Et puis ces épées portent du père portées par le descendant, ça a un côté un peu Isildur peut-être et Narsil / Anduril, je sais pas. En tout cas voilà, il y a un chevalier effectivement qui a le roux du Val Périeux, qui a emprisonné plusieurs chevaliers errants d'Arthur, qui est son cousin en fait, il veut s'emparer de l'ogre et il prend la ville de Dísnadaron. Et donc du coup, Arthur arrive dans une campagne pour aller se battre contre le roux. Alors évidemment, le roux n'est pas extrêmement, compétent parce qu'il décide de fuir. Les hommes du roux décident de se rendre. Et en fait, en fuyant à travers la forêt, le roux rencontre Meriadoc et Gauvin qui sont en train de revenir vers Arthur. Et inévitablement, le roux arrive à sa fin un peu tristement parce qu'il est battu par... Il est battu comme ça en fuyant par hasard, par Meriadoc et Gauvin. Non, il est pas bête, il est pas très honorable, mais il est pas bête. Genre, il voit qu'il est assis, puis là, je vais filer en douce et puis partir par la forêt. Il se fait battre, et là, on a un fil rouge qui vient depuis le début du roman. C'est là que Meriadoc lui dit, tu vois, ces entraves à bestiaux qui étaient prévues pour le roi Arthur, tu vas aller à la cour d'Arthur et tu vas t'entraver avec ces espèces de menottes, donc c'est des entraves qui bloquent les pieds et les mains. Et c'est ce qu'il fait pour s'humilier devant Arthur, mais il est lui aussi, je crois, libéré et puis basiquement admis à la cour d'Arthur. En fait, il se trouve que Arthur à ce moment-là est à Cardigan, donc inévitablement où toute la cour se trouve. Gauvin retrouve la fille du chevalier du châtelain du port, donc la damoiselle avec qui il était promis. Ce qui est drôle parce qu'on a dit au début qu'il avait, au début, une amie qui s'appelait Guinlois. Donc visiblement, ouais, elle a été assez vite oubliée. En tout cas, on annonce un mariage du coup entre la dame de Cardigan, donc Lord de Cardigan, et Meriadoc, qui va devenir roi de Cardigan sous la tutelle d'Arthur, évidemment. Puis donc, il y a le mariage final avec tous les rois qui sont là. Il y a Ider, Urien, le roi Lot, Rhys, parce qu'il est là, Baudemagu, Caradoc, Do, le père de Girflet. Donc, tout le monde est là. Et on nous explique que, du coup, il y avait 11 rois. Il y avait les 10 rois d'Arthur, plus le 11e, donc j'imagine que c'est le roi Rhys. Arthur est le 12e roi, et que du coup... Meriadoc est un des 10 rois originels d'Arthur. Meriadoc devient le 13e roi. Il siège à la table avec toute leur couronne et tout le monde était là. Il y avait 13 000 convives et personne à aucun endroit de cette assemblée qui n'était soit chevalier, soit dame ou jeune fille. Donc c'est vraiment l'élite de l'élite et tout le monde peut avoir du plaisir et parler et passer du bon temps ensemble. Je voudrais juste revenir sur un truc final. C'est la fameuse... La dame, la fille du châtelain du port qui peut justement épouser Gauvin. Un des trucs qui est intéressant, c'est que... Elle ne va pas l'épouser. Hein, c'est son amie, mais elle ne va pas l'épouser. On ne dit pas qu'elle l'épouse, en tout cas. Bon, donc son amie, justement... ce qui est intéressant, c'est qu'elle lui dit « Oui, maintenant je sais que c'est vous ». Et en fait, ce qui est intéressant du côté de la réputation de Gauvin, c'est que là, il y a un truc, justement, dont on a déjà parlé à propos des continuations sur son rôle ambigu, positif ou négatif, c'est qu'elle dit « J'étais pas sûr que c'était vous, parce qu'en fait, quand je vous ai dit... » Basiquement, Gauvin ne prendrait pas non comme une réponse. Genre, vous aviez une pucelle à votre merci dans votre lit, et puis vous m'avez pas forcé à avoir un rapport sexuel. Et je me suis dit, Gauvin aurait probablement... Gauvin m'aurait probablement violé. Oui, c'est quelque chose qui arrive d'ailleurs dans la première continuation. Le fait que c'est dans la première continuation, il y avait cette ambiguïté, genre, est-ce que la fille de Lys, de la famille de Lys, est-ce que Gauvin l'a violée, ce qui apparaît dans une certaine version, ou bien dans une autre version, est-ce que c'était consensuel, mais il dit qu'il a violé pour dire que c'était pas de sa faute et que son honneur est pas en jeu. Et du coup, ouais, là, l'allusion à la première continuation, ce serait que, métatextuellement, Gauvin, effectivement, aurait soit violé la jeune fille, soit l'aurait prétendu le faire pour sauver son honneur. Alors que là, ils ont cette petite discussion, puis Gauvin dit « Bon, je pense pas que je peux me plaindre que vous ayez pensé ça, mais il rigole. » Et en fait, c'est très drôle parce que c'est vraiment... T'as vraiment l'impression d'être à la fin du film, puis on nous a dit qu'ils ont eu... Elle a déjà perdu son nom de pucelle, ils ont passé leur nuit à coucher ensemble, ils s'embrassent sur la bouche et les yeux. Visiblement, Gauvin aime bien l'embrasser sur les yeux. Et en fait, ils ont cette espèce de moment cigarette after sex, tu vois. Ils sont en train de... le film américain où elle a le drap du lit remonté jusqu'aux épaules, puis lui, il a le drap au torse. Puis ils sont en train de discuter ça, et ils reprennent leurs amourettes après... Après cet intermède rigolo entre les deux, entre guillemets. Justement, si je cite la traduction de ce que dit la dame, c'est « Dites-moi sans vous fâcher comment j'aurais pu me figurer cela. Qu'alors que vous me teniez sous vous, vous dussiez me fausser compagnie du simple fait de mes larmes et de mes paroles. Je n'étais pas fondé à croire, si Dieu me prête secours, que jamais messire Gauvin eut le cœur si frêle et si bas que pour des plaintes ou des larmes, une femme pût lui échapper quand il l'aurait à sa si entière disposition que vous m'aviez, moi, à ce moment. » Et donc, justement, Une autre époque vis-à-vis du consentement. Hein. Ce qui est intéressant, parce que Gauvin, en fait, c'est un roman où, en fait, les personnages respectent le... Généralement, les gentils personnages respectent le consentement des femmes. Justement, Gauvin, il dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, c'est comme ça, et puis on verra plus tard. Le châtelain du port, justement, il veut pas que sa fille épouse... Brian. Il le dit assez... justement, il s'est présenté de sorte qu'il disait, j'aurais pu arranger le mariage, mais elle avait pas envie. Donc, il y a quand même cette notion de consentement. Puis, oui, c'est ça. Je dis, moi, j'aurais pas d'objection. Il disait bien, j'ai pas d'objection à Brian, mais c'est elle qui veut pas. Donc, voilà, ouais. Ça sera pas. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que, bon, assez comme souvent et comme dans beaucoup de contextes, le viol, en fait, c'était pas quelque chose de... On a cette idée parfois, voilà, dans les temps barbares anciens, le viol, c'était quelque chose de normal. C'est pas entièrement vrai. C'était toujours vu comme quelque chose de mal et qu'il fallait pas faire. Justement, il y a un article de Le Cupre qui dit que le viol, c'est très présent dans la littérature médiévale et il oscille dans son interprétation entre une vue traditionnelle qui fait de lui un attentat contre la propriété, c'est-à-dire voilà, c'est la vertu de la fille, l'honneur du clan, l'honneur de la famille qui est abîmé par quelqu'un qui n'a pas le droit de faire ça, et une lecture plus moderne qui dénonce l'agression contre un sujet autonome. Puis dans les romans arthuriens, c'est un peu les deux, c'est la volonté, c'est le consentement des femmes qui est en jeu, c'est l'honneur de la famille qui est en jeu. Et puis si je peux prendre des exemples médiévaux qui sont à peu près de cette époque-là, pour parler justement de l'ambivalence de ce truc, il y a le miroir des Saxons qui parle notamment de certaines normes, et il dit qu'un homme qui est accusé de viol sur la personne de vagabonde ou de sa bien-aimée est quand même passible de la peine de mort s'il a contraint à avoir des relations sexuelles contre sa volonté. Donc même l'idée de viol conjugal, c'est quelque chose qui existe au Moyen-Âge, c'est pas quelque chose de nouveau avec les féministes qui vont trop loin aujourd'hui. Il y a une idée de devoir conjugal, mais il y a quand même une idée de contrainte par la force qui fait que c'est un viol, notamment passible de la peine de mort, même contre des vagabondes, donc des gens qui sont un peu déclassés, des femmes déclassées, c'est quelque chose qui est interdit. Par contre, à la même époque, enfin au XIIe siècle, un peu plus tôt, il y a Heinrich von Melk, donc là c'est toujours dans le contexte allemand, mais c'est assez pareil côté français. Dans son livre Memento Mori, il dit que là où des chevaliers se réunissaient, il parlait du nombre de femmes avec lesquelles ils avaient couché. Leur réputation dépendait du nombre de femmes violées. Celui qui n'avait rien de semblable à raconter était méprisé. Donc c'est quelque chose qui est mal vu, qui est déprécié, qui a... La vision n'est pas si différente de celle qu'il y a aujourd'hui, mais quand même, les chevaliers se vantent de violer des femmes. Ouais, il faut prendre une distance par rapport à ça, parce que là, ce qu'on a l'impression, avec le cheval des épées, et surtout avec le contexte du cheval des épées qui tendance à être un peu, justement, à anticiper, à amuser, en détournant un peu, parce qu'on a dit que c'était un peu trop... tu disais c'était un peu trop achevé, c'est un peu trop parfois... voilà, dans ce contexte un peu... répétitif de ces aventures où on les détache parfois de leur contexte, mais le chevalier aux deux épées à ce côté le fait d'une façon un peu méta, en fait. Mmh. Il est plus intelligent que certains autres continuateurs parce qu'il leur apporte ce twist, justement. Par exemple, le Gauvin qui, contrairement à la réputation qu'il a, bah, ne viole pas les dames, en fait. Mmh. Et donc c'est ça qui est intéressant dans cette représentation, je trouve, de Gauvin. Et en général, les chevaliers, c'est vraiment la différence entre les attentes et ce qu'ils font vraiment. Mmh. L'attente du récit, c'est qu'on aura la nuit de noces, la nuit passionnée entre Gauvin et sa compagne, après la description de son corps dans les moindres détails. Mais là, finalement, bah non, ça sera délayé. Et entre-temps, on aura cette espèce d'intermède comique où elle refuse de coucher avec lui parce qu'il est pas Gauvin, parce qu'elle pense que Gauvin est mort, en fait. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ces discussions sur le consentement, c'est pas quelque chose de complètement anachronique. C'est quelque chose qui faisait partie des problèmes de cette société et qui, en fait, se voit pas mal dans la littérature arthurienne, parce que c'est une littérature qui est très idéalisée et fictive, alors que la chevalerie réelle, on va dire, la classe militaire, probablement que c'était pas des jolis cœurs et des gentilshommes, et puis qu'effectivement, comme le dit Heinrich von Melk, le viol, c'était quelque chose qui faisait partie de la réalité de la guerre à l'époque. Il n'y a pas tant de distance que ça. Mais je pense qu'ici, justement, le fait que ce soit vraiment raconté de façon méta nous permet de nous dire il n'y a peut-être pas, c'était peut-être pas aussi universellement accepté, même si ça se passait. L'idéal, ce serait que ça ne se passe pas, en fait. Et donc, les récits arthuriens qui valorisent ce viol, ou qui, du moins, le font pratiquer par des personnages qui sont autrement excellente réputation, il faut peut-être prendre ça avec une certaine distance. Est-ce que c'était vraiment vu aussi universellement comme un positif, ou est-ce que c'était peut-être une tentative de survaloriser des chevaliers qui faisaient ça aussi dans la vraie vie, quoi. Et là, justement, il y a une distance qui est amenée par ce côté un peu métafictionnel du Gauvin, la réputation de Gauvin à l'intérieur de l'histoire et de ce que fait vraiment Gauvin. Donc c'est ça qui rend ce texte un peu peut-être plus intéressant que ce qui pourrait être sur le plan purement narratif. Il y a vraiment des jeux avec nos attentes. C'est quelqu'un qui connaît clairement cette littérature. Et si vous en avez déjà lu pas mal, ça peut être assez intéressant en soi de le lire, le petit côté méta. Et puis, il y a juste une autre chose que je voulais relever dans la fin. Le manteau que porte... Oui, j'allais y venir. T'allais y venir. J'allais y venir aussi. Il y a un côté un peu bouclier d'Achille. Donc, vous savez, le bouclier d'Achille, où on nous décrit justement Héphaïstos qui fait le bouclier d'Achille dans l'Iliade et qui décrit deux villages dessus et puis dans un détail absolument fou. Bah là, on a un manteau qui est recouvert de scènes arthuriennes, en fait. Oui, le manteau couvert de scènes brodées en fil. C'est pas très clair de quelle couleur il est, parce qu'elle a une robe noire, mais je crois que avec des rayures d'or et de soie, multicolore, mais le manteau a des scènes, j'ai l'impression, c'est pas très clair de quelle couleur elles sont, mais il y a une scène qui raconte comment Merlin transforme le visage d'Uther, comment celui-ci s'est fait passer pour Gorlois, comment Igerne l'a pris pour Marie, comment elle avait engendré le roi Arthur, et comment les barons de Bretagne avaient été d'accord pour qu'elle épouse Uther. Donc en fait, il y avait, c'était le récit du couronnement de... d'Igerne, en fait, de la gestion d'Arthur, de la gestation d'Arthur et du couronnement d'Igerne et du mariage, en fait, entre les deux. Donc c'est approprié pour un mariage, mais c'est vraiment, il y a un écho assez ironique là-dedans, quelque part, et aussi au niveau du consentement, d'ailleurs, parce que c'est aussi ce qui se passe finalement avec Gorlois dont Uther prend l'apparence pour coucher avec Igerne. Il y a quelque chose d'assez curieux là-dedans. Et c'est assez intéressant que... Alors, on dit aussi sur le manteau, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est ça qui est décrit. On dit aussi sur le manteau, les prouesses et les hauts faits dont Arthur avait été l'auteur à ce jour figurent. Donc, c'est un résumé de la puissance d'Arthur qui l'accorde sans doute à sa vassale, en fait, quelque part. Mais ça illustre assez bien le talent de l'auteur, s'il y en a un plus dans le côté de l'organisation narrative, c'est plutôt dans ses descriptions et les portraits qu'il peint. Les personnalités ne sont pas forcément très profondes, mais il a un certain talent pour peindre une image assez vive, en fait. Même si ça repose souvent sur des clichés ou des choses comme ça, mais il y a un côté assez vivant, et la dépiction du mariage, justement, je le trouve assez intéressante de ce point de vue-là. Non, c'est ça, c'est pas très original. La chapelle abandonnée avec cette scène où les entraves qui volent sur l'autel, et puis les ronces et les animaux autour du truc, c'est pas très original. La scène de l'espèce de lutin ou de nain qui est cette espèce de berger merveilleux, au fond, elle apporte pas grand-chose à l'histoire sur le plan narratif, mais c'est un bon exemple de merveilleux médiéval, arthurien, comme on s'attendrait à le trouver. Non, il gère assez bien ça, même si effectivement c'est parfois un peu artificiel dans le côté un peu pièce détachée d'autres romans et puis qui ont été agencés ensemble. Voilà. Donc voilà pour Le Chevalier aux deux épées, hein, un récit qui vaut la peine d'être lu, je pense. Il est intéressant, il apporte quelques twists, même s'il n'est pas forcément le plus original. On va passer un récit un peu plus original, je pense, oui. Plus court aussi, parce qu'il est inachevé pour le coup, c'est celui d'Imbo. Qui date à peu près de la même époque, peut-être un peu plus tardif. Le Chevalier aux deux épées est d'habitude daté du premier tiers du XIIIe siècle, mais c'est assez clair qu'il doit dater au moins d'après la caisse d'El Saint Graal, je pense. Ça me paraît improbable qu'il soit qu'il date d'avant, en fait. À vue de nez, c'est entre 1230 et 1250. De premier tiers, deuxième tiers du XIIIe siècle. Le Imbo est daté par Marilus Chenery, qui le traduit dans l'anthologie dont on vous a déjà beaucoup parlé, la légende arthurienne, le Graal à la table ronde, donc la fameuse anthologie bouquin dirigée par Daniel Régnier-Boller. Elle suggère une datation du premier quart du 14e, du 13e siècle. Moi, je pense que c'est un peu plus tardif, sans doute, mais ça me paraît tôt, premier quart. Avant 1225, ça te semble probable, toi, le chevalier... pardon, Imbo. J'avoue que je suis pas sûr, mais je suis pas très convaincu personnellement. Je trouve que c'est un peu, ça fait un peu tardif déjà. C'est un manuscrit, lui, on l'a dit, hein, qui contient d'autres récits arthuriens, de nouveau, hein, le Bel Inconnu, la Vengeance Raguidel, plusieurs contes de chrétiens et un Père Lesvos, un bout du Père Lesvos, qui est conservé à la bibliothèque et la bibliothèque du château de Chantilly. En fait, il était de cette fameuse collection. Du duc de Condé, en fait. Et c'est le manuscrit 472 de la bibliothèque de Chantilly. Il faut imaginer ce qui serait passé si on n'avait pas ce manuscrit, par exemple. On n'aurait pas un beau... On n'aurait pas le bel inconnu, on aurait, il nous manquerait un des grands manuscrits de la Vengeance Ringuidel, un des manuscrits de Perles Vos. Il n'y aurait pas le Lettre Périlleux. Est-ce qu'il a, il a quand même 2-3 manuscrits, hein, Lettre Périlleux, il me semble. Le Lettre Périlleux, il en a quand même 4, je crois. Ouais. Donc voilà, c'est nouveau un de ces manuscrits dont on a de la chance qu'il survive. Un beau, lui, ne survécu pas entier, puisqu'il est inachevé, ou du moins le manuscrit qu'on a n'est pas complet. Il s'arrête à 3600 vers pour un roman qui aurait probablement fait la taille, une taille comparable à celui des 12000 vers à peu près du Chevalier de Deux Épées. Et comme on l'a dit, il a des points communs avec le Chevalier aux Deux Épées dans sa situation un peu... voilà, il reprend des motifs existants tout en leur apportant parfois peut-être un peu plus de twist quand même que le Chevalier aux Deux Épées. Il n'avait pas une très bonne réputation ce récit. Hein. Gaston Paris le trouvait assez... Enfin, disons, une espèce voilà, à l'écriture lourde, d'un côté un peu bateau, il me semble. C'est vrai qu'effectivement, c'est parfois un peu difficile à lire. C'est pas très aisé. La langue est pas tout à fait aussi. En tout cas, en traduction, ne semble pas aussi. Je sais pas si tu lisais, t'as acheté un œil toi au vieux français, mais la langue me semble un peu moins leste que celle du Chevalier aux Deux Épées. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai pas trop regardé le texte original, j'avoue, mais. J'ai pas trouvé ça très... peut-être la traduction de Marie-Luce Chenery est un petit peu à blâmer ici, je sais pas trop. Il y a des éditions anglaises, enfin allemandes et anglaises. Je crois que Chenery a utilisé l'édition de Margaret Winters, qui est donc l'édition la plus récente. Elle a été publiée d'abord en thèse doctorat, puis chez Brill, en fait, sous le titre de The Romance of Hanbo, an Arthurian Poem of the 13th Century. Donc c'est un peu notre édition de référence aujourd'hui. Ça date des années 70-80, donc c'est pas extrêmement récent, mais c'est toujours mieux que l'édition de 1914 allemande sur laquelle on devait se reposer jusque-là. Je trouvais marrant parce que je sais pas si c'est le manuscrit, mais apparemment, un bout, j'ai trouvé une édition où ils avaient transcrit Gunbo avec un G. Donc ça fait Gunboat. Gunboat. Mais du coup, je peux peut-être parler un peu de cette histoire qui commence justement quand Imbeau revient à la cour du roi Arthur. Un passage que je trouve intéressant, c'est justement que ils se mettent au lit pour dormir, et puis la conversation commence, dure tout l'après-midi avec Imbeau, et puis il fait dresser le lit de Imbeau en face du sien pour que s'il se réveille la nuit, il puisse continuer la conversation. Donc ça fait référence probablement à cette espèce de sommeil en plusieurs phases. Sommeil prémoderne, hein, qui d'ailleurs le livre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a fait ce livre à Days Close, une histoire de la nuit. L'histoire de la nuit. Il vient d'être de Roger Akirsch. Roger Akirsch, voilà les travaux de Roger Akirsch. Je crois qu'il vient d'être traduit en français. Si ça vous intéresse. En gros, il parle du fait que l'industrialisation, la lumière électrique, différentes choses auraient fait que maintenant, on a un sommeil où on dort une fois. Et on se pose plus la question, alors que si on regarde avant l'industrialisation, c'est relativement courant de se réveiller au milieu de la nuit pour prier, pour faire une petite balade, pour manger quelque chose, pour coucher avec son conjoint aussi. On avait plus tendance à morceler son sommeil. Et là, on voit que justement, Arthur tient tellement à discuter avec Imbeau qu'il lui met son lit à côté du sien. Et puis, il lui demande... Il lui demande le lendemain, Imbeau, toi qui as tant cheminé par le monde, y a-t-il quelqu'un qui ne m'a pas fait hommage sur Terre ? Donc Arthur est souverain universel, puis il dit, s'il y a un noble d'Angleterre, de France ou de Constantinople qui ne m'a pas prêté hommage, il devra s'en repentir. Puis alors Imbeau dit, il me semble qu'il y a un roi des îles au nord, là, un roi des îles qui effectivement vous a pas, dit qu'il tient son royaume de personne. Et le roi, il dit qu'on fait venir Gauvin, puis il lui dit « Mon neveu va aller, basiquement, rétamer Stipe pour qu'il me prête hommage. » Et puis Gauvin dit « Est-ce que vous ne pourriez pas envoyer quelqu'un avec moi ? Ça a l'air d'une mission un peu dangereuse pour une seule personne. » Puis il dit « Non, mais je tiens trois mes chevaliers, donc ça me chagrine que vous demandiez d'autres chevaliers. Par contre, votre sœur peut vous tenir compagnie. » Donc on a une nouvelle sœur du réservoir de sœurs de Gauvin. Bon, elle n'est pas nommée, donc ça pourrait être une qui est déjà connue. Puis Gauvin dit « Bon, ok, ça me paye bien en compagnie, mais il y a un beau qui doit venir et puis dire « Oui, écoutez, ça m'a pas l'air d'une très bonne idée. Peut-être que je pourrais l'accompagner avec votre permission. » Puis il lui dit « Bon, ok, vous pouvez aller avec Gauvin. » Là, il y a un passage assez intéressant où, justement, on disait que c'est la référence pour ce genre de roman, c'est Chrétien de Troyes. Eh bien, l'auteur du Humbeau fait référence, il dit « Personne n'ira dire que je dérobe les trouvailles de Chrétien de Troyes, qui jeta deux as et trois pour avoir la maîtrise du jeu, et après lui, nous avons en vain joué maintes parties. » Donc, Chrétien de Troyes, il a lancé les dés, quoi. Il a gagné la partie, et puis nous, après, on essaye de l'égaler, et puis on essaie de l'égaler, mais vous voyez, moi, j'essaie de faire mon truc original, même si c'est pas à la hauteur de Chrétien de Troyes. Ce qui est une référence qui est relativement fréquente. Hein. On avait déjà eu des romans où quelqu'un disait « Chrétien de Troyes a menti, je vais vous raconter la vraie histoire », ce genre de choses. Ce qui est un peu frappant dans ce début de roman, c'est que finalement, ils se disent « C'est un peu de la folie d'emporter votre sœur, parce que c'est un lourd fardeau, c'est trop périlleux, on ne trouvera pas de champ de blé, il n'y aura que des terres dévastées, tout le monde se bat, vole, dérobe et pille. » c'est l'anarchie, personne ne veille au droit, à l'ordre et à la justice. Puis Orgouin se dit, bon, vous avez raison, on va laisser ma sœur ici. Ils arrivent à une croisée des chemins où il y a une croix, puis il dit à sa sœur, vous restez ici, puis le prochain chevalier qui passe, vous lui demandez de vous ramener à Camelot. Malheureusement, le prochain chevalier qui passe, c'est quelqu'un qui déteste Gauvin, et du coup, il kidnappe la sœur de Gauvin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la chance, parce que le roman survit au moins jusqu'au dénouement de cet incident. On verra après... À la fin, c'est bien tombé la fin, parce qu'autrement, on serait un peu frustré si on n'apprenait pas ce qui se passait à la sortie. Mais il faut dire que c'est tellement bizarre et artificiel. Genre Arthur qui dit « Ah non, mais il y a votre sœur qui dit à Gauvin, prenez votre sœur. » Et puis après, Gauvin, il dit « Non, mais c'est pas une bonne idée, on va la laisser à Scarfour pour qu'elle se fasse kidnapper. » Enfin, c'est... Je sais pas. Une fois que Humbeau l'a rejoint, en plus, hein, il pourrait juste renvoyer Humbeau et il pourrait juste rentrer avec sa sœur puis repartir, mais visiblement, c'est assez proche quand même, quoi. Mais c'est ça qui est très drôle quand même, c'est que la justification d'Arthur, c'est « Ouais, je peux pas vous donner trop de chevaliers parce que ce serait un peu risqué, prenez votre sœur à la place. » C'est l'austérité, Gauvin. C'est une mission maintenant, normalement vous auriez été trois, mais maintenant c'est l'austérité, vous devez faire la mission tout seul. Voilà. C'est ça. Ou alors vous pouvez prendre votre sœur si vous voulez avoir de la compagnie, quoi. Mais j'aime bien l'allusion quand même, ouais, non, prenez juste un seul surco, pas besoin de prendre plus, c'est très, effectivement très chrétien, comme blague, justement. Mais effectivement, Humbeau... poursuit et va continuer en fait son aventure avec Gauvin, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que Humbeau a ce côté chevalier expérimenté, il a parcouru le monde, il va servir un peu de mentor, justement, pour Gauvin dans cette aventure, surtout dans la première partie, puisqu'ils arrivent et ils vont trouver du logement chez un seigneur qui habite pas loin. Mais après ce séjour, disons, normal, entre guillemets, ils vont arriver chez un autre seigneur et Humbeau va expliquer à Gauvin que l'hôte en question est un peu bizarre. On pense au chevalier à l'épée un petit peu. Hein. Oui, il y a ce côté ça, le côté du chevalier à l'épée, du père de la damoiselle dans le chevalier à l'épée qui est un peu arbitraire comme ça. Bah, c'est tout à fait ce modèle-là, en fait. Le chevalier dit que la colère est terrible, dont la colère est terrible, qu'il exécute tout le monde qui enfreint ses ordres. C'est vraiment le maniaque, quoi, qui va être extrêmement fourbe. Et puis et Gauvin qui est là, ça ne devrait pas être un problème. Puis Humbeau qui dit, il a une fille très sexy. Et Gauvin qui dit, ah, on est foutu. Ah non, là, on est foutu, exactement. Je ne peux pas. Je ne réponds plus de moi-même. Et effectivement, Humbeau prédit, voilà, il va vous asseoir à côté, à la place d'honneur, il va asseoir sa fille à côté de vous, et elle va vouloir vous coucher avec... avec elle. Bon, je connais bien, hein, le père, je suis resté 31 semaines avec lui. Mais effectivement, vous n'auriez pas la bénédiction du ciel si vous montrez à la jeune fille quelque intérêt, à moins de vous arranger pour que personne ne le sache. Elle pourrait être prudente, mais l'amour fait perdre la tête à bien des gens. Il connaît la réputation de Gauvin, quoi, en gros. Et il sait qu'elle est folle de lui à l'avance, quoi. Bah, et justement, quand elle... du coup, ça se passe exactement comme Humbeau avait prédit, et malgré ses mises en garde, Gauvin ne modifie pas son comportement. Et la dame dit, justement, « Jamais je n'ai eu encore envie d'aimer personne tant que vous, tant votre renom était parvenu jusqu'à moi, mais je ne vous avais jamais vu. » Donc là, c'est ce cas, de nouveau, de Gauvin, l'idole inconnue. Et puis, justement, ils échangent des promesses et des garanties. Ce que j'aime bien, c'est que le père, quand elle sort, le père dit « Ouais, vous êtes parti un peu trop vite quand elle sort du banquet. Vous êtes parti un peu trop vite, vous pouvez donner un baiser à Gauvin. » Mais sauf que il lui donne un baiser, mais Gauvin, lui donne 4 baisers. Et ça m'a fait penser à Gauvin et le Chevalier Vert, justement, on reviendra après. Mm-hmm. Où là, pour le coup, il y a un échange de baisers qui n'est pas correct, en fait, suivant ce que le père avait demandé. Le père devient complètement fou. J'ai dit un baiser. C'est vraiment ça, c'est le côté complètement ouais, il sort de ses gonds, quoi, complètement. Et il faut seulement que y ait un... que ces hommes et ces chevaliers protestent de la bonne volonté de Gauvin pour que le seigneur consente à ne pas le faire pendre haut et court sur le champ. Mais effectivement, la jeune fille va rejoindre Gauvin dans son lit, et un beau, elle a, oh là là, j'aurais bien fait de rester à la cour d'Arthur plutôt que venir poursuivre Gauvin. Puis une fois qu'ils sont partis, justement, il dit, le malheur est encore à venir, rassurez-vous, nous sommes toujours à Derme, mais ce que je sais, c'est que j'ai grand faim alors qu'il n'est pas encore 9h. Et justement, il dit, ce que Humbaud lui avait dit, c'est on va traverser une terre gaste où il n'y a rien à manger. Et donc, il faut que vous mangiez bien ce soir, parce que après, on n'aura pas de nourriture pendant la prochaine étape. Gauvin, il est tellement distrait par la jeune fille que forcément, il n'a pratiquement pas mangé. Puis du coup, il dit, j'ai vraiment la dalle. Et puis, il dit, il faut encore faire 3 étapes avant de revenir sur ce sujet. Vous voyez bien que le pays est désert. Il est stupide de se lamenter qu'on ne peut trouver aucune aide. Vous auriez dû vous rappeler de ce que je vous disais avant d'arriver. Puis Gauvin, il répond, Humbaud, je ne suis ni de bois ni de fer. Il aurait eu le corps et le cœur bien dégénéré, celui qui serait assis près de la jeune fille sans lui adresser de requête, sans plaider sa cause. Donc là, on a la réputation que Gauvin a à la fin du Chevalier aux deux épées. On voit qu'il l'a ici. C'est le joli cœur qui peut vraiment pas, qui peut pas s'empêcher de courtiser les filles. Ensuite, Gauvin voit de la fumée à la distance vers un bois auprès duquel ils arrivent, et il dit cette fumée, ça doit être quelque chose. Enfin, quelqu'un fait du feu, ça doit être quelqu'un qui est en train de cuisiner. Je vais aller voir s'ils n'ont pas à bouffer. Puis Humbaud qui lui dit ok, mais pas de violence. Hein, vous faites pas de violence. Et puis Gauvin, il arrive là-bas, il voit des types qui cuisent du cerf sur le feu. Il leur demande à manger. Et puis ils disent allez au diable, je vais rien vous donner à manger, vous n'entrerez pas ici, vous mettrez rien sous la dent. Gauvin le supplie et il dit pensez à ce qui vous honorerait. Le type le traite de lépreux, de mendiant, et il lui lance un couteau qui va frapper la tête du cheval de Gauvin. Alors Gauvin leur démonte la tête. Justement, il prend une broche dans le feu et il met 100 coups sur le cou, sur le visage, ce qui fait arracher la peau du visage du mec, enfin, il le défigure avec cette broche. Les écuyers s'enfuient dans la lande et Gauvin laisse partir l'homme aussi à travers la lande et puis il se met à manger. Il se lave les mains et puis après il mange du pain blanc, il boit du vin et puis un beau arrive plein d'inquiétude. Et puis il dit, mais c'est de la folie, qu'est-ce que vous avez fait? Puis il dit, mais j'ai bien eu raison, je me suis battu, c'est insolent. Et puis je suis tombé sur un bourre-pas. Puis il dit, mais ce type, il allait chercher du renfort, il vient souvent par ici pour chasser et se distraire, personne n'a le droit de poser la main sur lui. Regardez son château fort juste là, ça va mal tourner. Et puis ensuite, il dit, non mais hein, bon, venez manger un morceau, vous êtes de mauvaise humeur. Et puis là, on a un passage qui est un peu lacunaire, mais où justement, Humbaud dit, bon, effectivement, il vous a lancé un couteau dessus, il vous a provoqué, mais on aurait peut-être mieux fait d'éviter l'affrontement. Effectivement, parce qu'ils vont retomber sur lui après, en fait. Ils vont retomber sur le type que Gauvin a battu. Et en fait, le seigneur en question le seigneur qui fait partie de la troupe en question, connaît Humbaud, en fait. Et du coup, Humbaud va rétablir la concorde entre les deux en disant « Ah, certes, c'est effectivement pas terrible de sa part, mais vous aviez refusé un déjeuner à Gauvin, vous lui avez dit des mots méchants, et donc du coup, il n'y a vraiment pas lieu de se battre de façon extrêmement violente là-dessus, quoi. C'est pas la faute à Gauvin, en fait, c'est la vôtre. » Ouais, puis bah justement, Humbaud arrive à l'apaiser quand même, et ils arrivent à s'en tirer grâce à la courtoisie d'Humbaud, puis parce qu'il est déjà connu dans ce pays. Donc à ce côté, justement, il y a une inversion, quoi. C'est que Gauvin d'habitude serait le courtois, le connu, etc. Là, on voit que c'est au contraire Humbaud qui connaît tous les codes de ce pays, les coutumes, qui est-ce qu'il faut respecter, qui est-ce qu'il faut pas respecter. Et ils arrivent à la prochaine épreuve. Et là, il y a ce que t'as dit que Gauvin avait un petit côté speedrunner dans ce roman-là. Et je crois que c'est là que ça commence à être illustré. Oui, c'est ça. Il fait un speedrun des aventures arthuriennes. C'est ça. Ils font. Oui, ils tombent en fait sur. Il y a un gros. Ce qu'on appelle un échassier, je crois que c'est un unijambiste, si j'ai bien compris. C'est un type qui doit avoir une jambe de bois ou des béquilles, ouais. Voilà. Donc, ils vont aller récupérer. Ils arrivent sur l'île où en fait vit un des rois insoumis que Imbo connaît, qui veut le faire soumettre à Arthur. Et Gauvin doit d'abord affronter un chevalier sur un pont qui le bat, un unijambiste qui doit combattre sur une planche qui traverse un fossé. Et puis il y a aussi un nain qui l'insulte, je crois. Donc il bat l'unijambiste sans problème. En fait, il le bat en deux ou trois mouvements. Sans même prendre la... Non, il lui met un... C'est-à-dire que Gauvin, à la base... En fait, là, c'est assez marrant, parce que Gauvin, à la base, il veut pas se battre ici. Il dit, non, mais... pourquoi est-ce que je ferais ce que Steve veut? Puis il dit, mais vous avez pas le choix, vous devez le faire. Il fait ce poste. Voilà, il doit se battre sur la... Mais ils doivent se battre à la loyale. Et en fait, ce que fait Gauvin, c'est qu'il lui donne simplement un coup de pied pour faire tomber le... Il lui donne un énorme kick. Voilà. Et du coup, bah, résultat, le type tombe et puis il n'a pas besoin de se battre contre lui, quoi. L'épreuve suivante... Ça fait vraiment speedrun de Dark Souls où tu pousses les ennemis dans les fossés parce que c'est plus rapide. Exactement. Pour les cheese. L'étape suivante, c'est qu'il y a un vilain, donc un... qui propose un jeu parti, entre guillemets, où il doit décapiter... Il donne une hache à Gauvin. Gauvin doit décapiter le vilain. Et ensuite, il doit promettre de donner sa tête pour que le vilain le décapite. Donc un motif qu'on avait vu dans le Père Lesvos et qui se retrouvera bien plus tard dans Gauvin et le Chevalier Vert. Sauf que là, il y a de nouveau Gauvin qui va profiter. Il fait un speed dans Any Person, donc il n'a pas besoin de compléter tout. Ce qu'il décide de faire, c'est il fait glitcher la chose en une fois que l'homme s'étend, Gauvin le décapite, et alors que le corps va se lever pour aller récupérer sa tête, Gauvin le retient par ses vêtements, et du coup, l'enchantement est levé, parce que s'il n'a pas récupéré sa tête, j'imagine, dans un délai suffisamment court, il meurt pour de bon. Et du coup, l'enchantement est rompu, parce qu'en plus... et le corps tombe par terre. C'est ça, il a... On nous dit que Gauvin s'y connaît en enchantement, donc il l'attrape par ses vêtements, et la gageure est abolie. Et finalement, l'épreuve suivante, c'est un nain horriblement laid et il fait en gros un concours de ce qu'on appelle du flighting si on était au Moyen-Âge chez les Scandinaves. Il va à un duel d'insultes, ouais. Un duel d'insultes. En fait, le nain lui donne la première insulte. Lâche, mauvais chevalier, un beau c'est damné pour vous amener ici. À vous prendre comme compagnon dans une troupe, on devrait faire mauvaise route car vous puez plus que des latrines. Vous me faites bien mal, rien qu'avec la honte que j'ai à regarder vos armes, que jamais Dieu ne vous protège car je n'ai jamais vu plus lâche que vous. Et Gauvin dit, je vais lui donner la réplique qu'il mérite. Et il lui met un coup d'épée dans les dents. Et du coup, il le pourfend jusqu'aux dents et donc tout le monde est un... Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, Gauvin peut arriver devant le roi et donner l'ultimatum d'Arthur. Le roi est complètement paralysé parce que Gauvin a battu ses maléfices visiblement de façon un peu trop facile. Et il a tué le portier, il a noyé le lutteur. Apparemment, il a noyé le lutteur de la planche, ou en tout cas, il l'a... Ce qui n'est pas clair, parce que quand il l'a défoncé, un body qu'il est en train de se remettre sur la planche, mais apparemment, il l'a noyé, on dirait. Oui. Il l'a... Enfin, il m'est noyé, mais peut-être qu'il voulait juste dire, il a juste précipité. C'est possible qu'il a pris un bain, quoi, effectivement. Enfin, toujours est-il que les Gauvin et Imbo partent à toute vitesse, alors que le roi furieux donne l'ordre qu'on les poursuive. Mais finalement, ils arrivent finalement à atteindre un bateau qu'ils avaient pris pour venir et qui les attend. Et du coup, ils repartent en vitesse sans que les poursuivants puissent partir les suivre, en fait. Donc ils arrivent à bon port, ils retournent, j'imagine, au royaume de Log, c'est pas très clair, et ils continuent leur chemin, ils entrent dans une forêt et ils trouvent une demoiselle. Ils doivent se séparer parce que son père et son frère ont été, enlevés. Fait prisonnier, exactement. Il y a des brigands qui sont partis, il y a quatre brigands qui ont pris son ami. C'est pas très clair. Disons son père et son frère, mais après on nous dit sept redoutables brigands les ont pris, quatre emmenèrent mon ami par ce chemin en face et trois autres sont partis à gauche avec mon père sur son destrier. Donc on ne sait pas si c'est son frère ou son ami, mais toujours est-il que on nous parle plus de l'ami après, donc j'imagine que c'est plutôt ça dont il s'agit. Imbo et Gauvin décident de se répartir la tâche. Il faut que et Imbo lui dit non, mais c'est pas très honorable, il faut que ce soit la jeune fille qui décide parce que c'est les siens qui ont été enlevés. Et Gauvin dit c'est juste, j'avais pas pris garde. Donc je trouve ça très très drôle. Gauvin elle demande c'est pas très honorable de ma part d'avoir été présomptueux. Gauvin est envoyé à la rescousse de son ami conclut donc je dois aller à la rescousse de votre père. Donc ils se séparent et on nous raconte simplement l'histoire d'un Dimbo qui va vite délivrer le père, tuer les deux brigands qui le retenaient, et tue le troisième, et tue les deux brigands, et le troisième, lui, il va pouvoir s'enfuir. Et du coup, Imbo revient à statuer la jeune fille de la part de son père, et de l'autre côté, Gauvin, lui, va atteindre les quatre autres brigands, et les tue, et en tout cas, on nous dit... Il accomplit si bien son œuvre secourable qu'on ne put plus rien lui reprocher par la suite. Plus jamais nulle part, les brigands ne purent faire prisonnier aucun des chevaliers. Il leur régla leur compte. Donc j'imagine, soit ils sont morts, soit ils sont extrêmement grièvement blessés. Donc Gauvin s'en revient vers la cour, mais entre-temps, il tombe sur un... La nuit tombe et il doit dormir quelque part. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune maison, aucun abri. Il tombe sur un embranchement où il y a une croix couverte, donc une espèce de petit oratoire. Et il décide de dormir sous la croix. Il enlève le mort de son cheval. Et il s'installe contre la pierre de la croix, sans couverture, sans rien du tout, et il dort dans son armure, il finit finalement tout mouillé, en fait. Et à côté de lui, arrive un chevalier, le lendemain matin, qui est très bien entouré, ou qui l'ont fait fête, et le chevalier en question lui dit « Ah, vous semblez avoir bien mal dormi, j'ai un meilleur logis que vous !» Puis Gauvin s'énerve un petit peu... vous avez de la chance, moi j'ai pas eu un très bon logis. Et du coup, le chevalier arrête pas de raconter à quel point son logement était meilleur, que c'était bien. Gauvin finit par dire, bon, moi je suis pas mécontent, mais enfin, racontez-moi votre histoire, arrêtez de me narguer. Et en fait, le chevalier explique qu'il a dormi dans un château où il y avait une très belle demoiselle, qui est magnifique, qui veut sa main. Et il a accepté de lui donner sa main en échange d'une nuit passée avec elle, en fait. Donc il a dormi avec elle et il a nommé Gauvin comme garant, comme quoi Gauvin serait garant du fait que il promettait de l'épouser une fois qu'il serait revenu un mois plus tard. Sauf que le chevalier a aucune intention évidemment de d'épouser la jeune fille en question et dit à Gauvin qu'il va partir le plus vite possible. Sauf que Gauvin a entendu parler de son nom mal utilisé et va donc défier le chevalier en duel, va le battre et va le forcer à aller revenir chez la femme pour l'épouser. Et il va raconter toute l'histoire, mais sans dire à la femme, évidemment, qu'il dit qu'il est Gauvin, mais il ne va pas lui dire qu'il a battu son ami comme ça. Et il va le laisser ensemble, rester leur ami, et s'en retourner, toujours pour continuer vers la cour. Et c'est là qu'il va tomber sur un chevalier qu'il ne connaît pas, mais dont le bouclier porte un écu rouge avec un léopard peint au milieu. Ce qui ressemble un peu à des armes de Normandie ou d'Angleterre de l'époque. Donc ce chevalier... va demander à Gauvin qui sont les meilleurs chevaliers dans la suite du roi Arthur. Et en fait, Gauvin, par modestie, va dire « Oh, il y a peut-être roi Urien, peut-être... » C'est quelqu'un de... Sans vous y connaissez rien. Non, voilà, exactement. L'autre chevalier lui dit « Le meilleur chevalier, c'est... Vous aurez dit le nom de mon frère Germain. » C'est pas celui-là que je pense. Vous aurez dit le nom de mon frère Germain. Et on doit comprendre, du coup, que c'est... Gauvin refuse de dire que c'est lui le meilleur chevalier, et donc que le chevalier en question, le chevalier au léopard, ça doit être son frère, ou un de ses frères en tout cas. Et alors il y a toute une suite où Gauvin n'arrête pas de dire des noms de chevaliers, il dit « Oh, Lancelot, peut-être Perceval », et le chevalier s'énerve à chaque fois, parce qu'il lui dit « Non, c'est pas possible », il dit « Guéret, non, c'est pas possible, t'es complètement fou, vous êtes complètement débile ». Et donc, du coup, il part devant le chevalier, devant Gauvin, et Gauvin le suit, en fait. Et ils vont tomber vers une tente, un pavillon déployé au milieu de la prairie, où il y a une coutume, en fait, une dame qui s'appelle Idoine. Et quand elle séjourne dans cette lande où il se trouve, aucun chevalier ne peut passer vers elle sans adresser la parole à une de ses jeunes filles et donner un baiser à la dame avant de continuer. Et le chevalier au léopard dit « Non, mais vous êtes folle, je ne vais pas donner de baiser comme ça, je ne peux donner des baisers comme ça qu'à des personnes qui sont coureuses ou putains !» Et du coup, il s'en va alors que les demoiselles sont très en colère. Alors évidemment, Gauvin, lui, remplit ses devoirs on lui explique qu'il y a un chevalier qui n'a pas rempli justement l'honneur à la dame qu'il devait faire. Gauvin décide de promettre à la dame que d'ici ce soir, ce chevalier-là se plierait à sa volonté. Du coup, il va le poursuivre, il va le mettre en garde, ils vont se battre et évidemment, Gauvin va gagner et va le renvoyer, va décider d'aller l'amener à la dame. Mais avant ça, il demande son nom en fait au chevalier de façon courtoise, puis l'autre dit je refuse de vous dire de me dire votre nom, je perdrai ma tête plutôt que vous dire de force ce que je vous ai refusé de faire par amitié, parce qu'il a pas voulu dire son nom à Gauvin. Et Gauvin dit mais c'est complètement débile, si vous me demandiez mon nom moi je vous l'aurais dit. Et dans ce cas bah je vous le demande dans ce cas puisque je vous ai sous-estimé. Puis il dit bah je m'appelle Gauvin, et l'autre dit ah mais je suis Gaëriette, je suis votre frère. Gaëriette toi. Alors, il n'a pas reconnu ses armes, il n'a visiblement pas reconnu sa voix, mais évidemment, c'est Garrett et Gauvin. Et donc, du coup, Gauvin amène son frère à la dame, la jeune fille lui pardonne, et du coup, il épouse... La jeune fille lui pardonne, et il lui accorde un baiser, et effectivement, l'affaire est terminée, parce qu'il a rendu son droit à la jeune fille. Il décide de continuer vers Carlion pour retrouver le roi Arthur. Et un chevalier arrive, qui est avec un écu d'hermine avec un lion. En fait, c'est le frère, le petit frère du chevalier Sémiramis. Donc ça, c'est un ancêtre, hein, Sémiramis. Hein. On attendrait plutôt à voir ça dans une légende antique ou bien dans un texte du XVIIIe siècle. Mais visiblement, là, c'est un chevalier de la table ronde. Il raconte que le roi n'arrête pas de convoquer ses chevaliers parce qu'ils sont trop dispersés. Ça, ça lui coûte trop cher, en fait, de payer des notes de frais trop importantes, j'imagine. Comme on a dit, c'est l'austérité, donc les chevaliers doivent rentrer. C'est pas possible. Il est extrêmement en colère. Et Gauvin demande aussi des nouvelles de sa sœur, il avait donné l'ordre à sa sœur de dire au premier chevalier qu'elle verrait de le ramener à la cour. Et il apprend qu'évidemment, la sœur n'est pas rentrée au bercail. Et donc, du coup... il décide que c'est un grave problème et que du coup, il doit effectivement aller chercher sa sœur. Et donc du coup, Gaëriette, sa sœur, Gaëriette, Gauvin partent à la recherche de leur sœur et le chevalier, le frère de Sémiramis, est ordonné d'aller à la cour pour dire à tout le monde c'est une honte, il faut que tout le monde aille chercher notre sœur. Et donc du coup, toute la cour d'Arthur, y compris Arthur d'ailleurs, décide de partir en quête de la sœur de Gauvin. Et y compris donc Yvain, Lancelot, Erec, Guirflet, Tolas. On retrouve Tolas qu'on avait aussi déjà vu, Tolas de la Déserte, donc on avait vu dans Tolas de Rougemont, pardon, qu'on avait vu dans le Chevalier aux deux épées aussi d'ailleurs. Il était mentionné. Il y a probablement l'épisode qui est peut-être le plus intéressant justement par rapport au portrait de Gauvin, c'est qu'ils arrivent chez la dame de l'étroite forêt, qui est très amoureuse de Gauvin. Au point qu'elle a fait sculpter une statue de lui qui lui ressemble parfaitement dans sa chambre. Donc c'est un petit peu glauque quand même. C'est un motif qu'on a déjà vu en fait dans la première continuation. La fille de Lys avait un portrait théoriquement qui était parfaitement reconnaissable, ce qui lui permettait de le reconnaître. Elle avait donc un portrait, mais là c'est carrément une statue. Et ça va créer un quiproquo, parce qu'il y a des gens qui vont le voir dans sa chambre et qui vont croire que Gauvin est là, en fait. Oui, alors qu'ils sont à sa recherche, en fait, aussi, quelque part. Mm-hmm. Et notamment qu'eux et Guirflet sont persuadés d'avoir vu Gauvin, et le roi Arthur dit, mais c'est pas possible, il nous aurait dit s'il était là. Et finalement, la demoiselle va expliquer que non, elle a une sculpture de Gauvin, juste son cousin Husbando Gauvin sculpté dans sa chambre et qu'elle attend juste son Gauvin poupée gonflable. Exactement. Et donc du coup à ces mots-là le roi prend congé puis il revient chez lui. C'est pas glauque du tout, c'est très bien. Il revient chez lui et dans l'intervalle on revient sur Gauvin du coup et finalement Gauvin on élude ses aventures, on nous dit un jour il est tombé près d'une forêt, il voit une jeune fille avec un chevalier tout prêt à combattre et en fait la jeune fille c'est sa sœur, le chevalier c'est l'homme qui l'a kidnappé, il le bat. Le chevalier s'appelle Gorvin Cadrus, qui est un nom qu'on connaît, hein, Gorvin Cadrus. On l'avait vu dans Mérogis de Port-Légué. C'est le rival de Mérogis, en fait. Ça. Et du coup, Gauvin demande à Gorvin de ramener sa sœur pour de bon à la table ronde. Et là, pour le coup, il le fait sans problème. Et Gorvin est accepté à la table ronde parmi les chevaliers d'Arthur. Et c'est là que s'achève le roman, en fait. Donc, au moins, on a la résolution de ce quiproquo-là. Mais la dame de l'étroite forêt et Gauvin ne se rencontrent pas. Donc, on n'a pas la fin du roman. On peut imaginer que les aventures auraient duré un peu plus longtemps et que Imbeau aurait sans doute joué un plus grand rôle dans celle-ci, en tout cas. Ouais. Donc, c'est un roman qui, comme l'autre était trop achevé, celui-là est un peu inachevé. Mais justement, comme on l'a dit, il est assez drôle dans les situations dans lesquelles il met Gauvin. Qui justement speedrun, tabasse des types pour leur voler pour leur prendre leur bouffe parce qu'ils veulent pas la donner, bah parce qu'ils sont discourtois en fait. Normalement, ils devraient théoriquement lui filer à bouffer. Ils poussent un type dans un fossé, ils tuent un nain qui l'a insulté. les réactions de Gauvin, elles sont exagérées, mais elles sont pas absurdes. Un nain qui insulte un chevalier, dans la plupart des romans normaux, le chevalier va dire « Eh oh, pour qui vous vous prenez ?» Il va lui taper dessus ou le pousser par terre. Mais il va pas le décapiter immédiatement, disons. Il va peut-être pas le décapiter immédiatement, mais justement, c'est une circonstance où un beau lui dit « Non, non, mais c'est pas la coutume ici, tu peux pas faire ça. » Mais c'est assez intéressant, il y a des motifs qu'on a déjà vus, justement le jeu de la décapitation qui est fait de manière très, on va dire, pas sceptique, mais donc on l'a vu dans la première continuation avec l'histoire de Caradoc, on l'a vu dans La Mule sans frein, il existait avant en vieil irlandais, donc dans le festin de Brí Criú qui était dans le cycle d'Ulster, donc qui pourrait être très vieux, et puis bien sûr plus tard dans Gawain and the Green Knight. Mais donc, ça reste une histoire qui est associée à Gauvin. Dans La Mule sans frein, il y avait justement... C'est peut-être même inspiré par La Mule sans frein, parce que dans La Mule sans frein, Gauvin décapitait le type, et le type ramassait sa tête et partait. Puis Gauvin se disait « Ah, je l'ai décapité, tout va bien. » Et puis le lendemain, le type revenait avec sa tête sur ses épaules, quoi. Ouais, il y a peut-être le sous-entendu que Gauvin a l'habitude maintenant de ce genre d'aventure et que du coup, il va pas se laisser avoir et il va rattraper le corps avant même qu'il ait le temps de bouger, quoi. Ouais, je connais, il suffit de l'empêcher d'attraper sa tête. Bon, ça a été patché dans la dernière version, mais on peut encore utiliser l'exploit. L'image de Gauvin qui connaît bien le truc et qui fait un speedrun des épreuves, des merveilles de l'île, un peu comme ça, c'est très drôle. On pourrait penser en fait que le reste du récit, ça aurait été d'ailleurs les Imbo et Gauvin se retrouvent pour aller à la recherche des trois autres rois qui ne sont pas soumis à Arthur, en fait. Il y a peut-être un peu cette idée là derrière. Ça pourrait être ça. Puis il y a le motif que je trouve très intéressant de la dame qui a une statue de Gauvin qui est quand même assez, qui est quand même assez particulier, même s'il existait déjà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la confusion puis le débat entre les chevaliers, parce que à un moment que dit ah c'est bien Gauvin ça, il nous laisse aller faire nos quêtes puis lui, il va trousser ses putains, littéralement ça, hein, c'est la traduction. Donc je trouve ça très très, c'est à la fois extrêmement que et puis extrêmement Gauvin, quoi. Mais justement, je pense que ça répond très bien avec le chevalier aux deux épées où on a le spectre entre Gauvin. Le chevalier aux deux épées, c'est Gauvin qui est dépassé par sa réputation. Puis là, par contre, c'est un Gauvin qui est complètement caricatural et qui est peut-être justement un signe. Genre, encore une fois, on peut très bien dire oh, c'est parodique parce que machin. Mais non, je pense que c'est juste on pousse le bouchon dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans tous ces romans, il y a quand même l'idée d'avoir un chevalier. Un nouveau personnage, genre ici c'est un beau, qui va être valorisé par contraste avec Gauvin. C'est-à-dire que Gauvin sera le chevalier accompli, mais le nouveau chevalier va aller au-delà de ça par le fait qu'il est surdoué, par le fait qu'il a une destinée particulière. Ou bien ici parce qu'il est plus... Ça montre un twist en fait, c'est parce qu'il est plus expérimenté, alors que d'habitude les chevaliers sont moins expérimentés que Gauvin. C'est juste. Mais du coup, deux romans qui sont quand même assez intéressants pour le spectre qu'ils montrent sur ces romans Gauvin adjacents, dont il nous en reste plus tant que ça, d'ailleurs. Oui, on en a encore deux, trois à regarder, puis on le verra bien sûr apparaître quand on parlera des romans anglais, où il est vraiment un peu la star, puisqu'il n'a jamais été remplacé à cette place d'honneur par Lancelot. On peut noter, hein, dans les deux récits, on parle de Lancelot assez positivement, il est à la cour du roi, mais il n'est pas... alors que Lancelot, d'habitude, soit il est au cœur du roman, soit il n'apparaît pas vraiment. Là, on a un Lancelot, un personnage secondaire, un peu comme Perceval, d'ailleurs, qui est rarement... S'il n'est pas là, c'est rarement un personnage qui figure beaucoup. Là, pour le coup, si, Perceval et Lancelot sont des figures d'arrière-plan, sans être encore des figures centrales, mais sans pour autant être complètement absentes. Donc, c'est assez intéressant qu'on voit cette... C'est presque des romans... Ça fait vraiment cet effet épisode de sitcom, en fait, dans la grande tapisserie des mythes arthuriens, en fait. Donc ça, ce côté un peu intéressant là-dedans, que je trouve assez original, presque, par moment. Même si, effectivement, comme on l'a dit, la matière des récits... Imbo est un peu plus original, parce qu'il y a ce personnage de Imbo qui est un peu introuvable, mais il est utilisé pour mettre un... Introuvable ailleurs, mais il est utilisé pour mettre, finalement, un twist, quelque part... sur des motifs déjà vus, hein, le Gauvin et sa dame, Gauvin face aux épreuves, etc. Imbo est là pour apporter un peu de contraste ou un commentaire un peu ironique et détendre la situation, en fait. Mais ce que je pense aussi intéressant, c'est que là, ces temps-ci, je suis en train de lire Don Quichotte, qui est quand même, je pense peut-être on en parlera un jour, peut-être pas, si on fait un épisode sur un peu l'éclipse arthurienne ou la fin de la mode arthurienne, Don Quichotte c'est clairement une grande étape, même si c'est plus sur les romans sur les chansons de geste et les romans de chevalerie qui sont pas forcément arthuriens, il y a quand même cette idée où justement ce qui est drôle avec Don Quichotte, c'est qu'il se comporte comme un chevalier, mais c'est absurde. Genre, il dit, il redresse les torts, puis il dit aux gens, ben voilà, genre ce fameux truc où on envoie les chevaliers à la cour, et puis on se dit, mais s'ils sont méchants, pourquoi ils suivent les directives? Ça, c'est un truc que Don Quichotte fait régulièrement, puis bien sûr, les gens lui disent, ouais, ouais, on va faire ça, puis ils y vont pas. Et, mais on voit que ce genre de problème-là, c'est-à-dire la tension entre cet idéal chevaleresque, fictif, et puis la réalité, c'est quelque chose que ce genre de roman luttait déjà avec, en fait. Comment est-ce qu'on concilie l'attitude des chevaliers, le fait qu'ils ont un certain code qui n'est pas forcément approprié, le fait qu'ils ont trop de confiance dans leurs institutions, genre, allez, je vais laisser ma sœur à ce carrefour et puis il ne va rien lui arriver de mal. C'est quelque chose qui apparaît déjà à cette époque, en fait. Effectivement. Je crois effectivement qu'il nous en reste plus de temps à examiner ces romans un peu Gauvin adjacents. Il y a les Merveilles de Rigomère qui sont un petit peu particulières parce que c'est un peu en trois volets, pas forcément avec Gauvin à son cœur. Il y a Beau Douce qui est basiquement, c'est encore une histoire du bel inconnu, c'est un fils de Gauvin qui arrive à la cour, donc c'est très le bel inconnu. Puis après on a des choses un peu plus, des romans qui vont être un peu plus particuliers, le roman de Silence, Durmart le Gallois. Ce sera intéressant de voir un peu la disparition de Gauvin, justement. On l'a vu hein, déjà dans les récits en français et en prose, mais vraiment, c'est cette mode qui sera continuée seulement à fait dans certains contextes arthuriens à mesure que la littérature va un peu disparaître aussi. Enfin, pas disparaître, mais qu'il n'y aura plus autant de nouveautés arthuriennes en français, en tout cas. Plus autant et où les focalisations se passeront sur les récits en prose et sur d'autres terrains. Mmh. Et je crois que ça va être le tour de ce Rex Condam d'aujourd'hui, le retour du Rex Condam classique. 2h30 à peu près. Malheureusement enregistré à distance, donc ça n'aide pas à cause de la situation sanitaire. Espérons que les vaccins fassent leur chemin dans nos veines assez vite et qu'on puisse reparler en direct entre les deux. En tout cas, on espère pouvoir vous fournir un nouvel épisode le mois prochain, comme d'habitude en fait, finalement revenir à un agenda un peu plus classique cette année, toujours pandémique, mais peut-être avec un peu plus d'organisation de notre part. En tout cas, on espère que ce détour par deux récits Gauvinesque, ça marche mieux que Gauvinesque, je trouve. Je sais pas comment tu dirais. Gauvin adjacent, comme tu dis, vous aura plu, que vous y aurez trouvé de l'intérêt. N'oubliez pas qu'évidemment, vous pouvez trouver hein, ces récits assez facilement. L'un donc a été publié, vous le trouvez facilement en bibliothèque, je pense, le Chevalier aux deux épées. Et bien sûr, ce Imbeau dans ce volume de ce compagnon arthurien très pratique qui est la légende arthurienne, le Graal et la Table Ronde, qui est toujours édité. Hein. Il me semble que vous trouvez ça dans le commerce assez facilement. Et c'est vraiment une mine de récits arthuriens, parfois assez obscurs et parfois assez connu, hein. En l'occurrence ça s'ouvre avec le conte du Graal, donc si vous cherchez, si vous voulez juste lire le conte du Graal, puis après découvrir d'autres variantes, disons, de ce genre de récit, c'est vraiment un volume très intéressant pour le coup. D'ici là, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés, et à vous dire à la prochaine fois, et puis surtout, n'oubliez pas, la quête continue. From the Northlands, and he scarcely could leave me alone. And he promised he'd take me the wide world to see. Oh, fly home, lost ladies, fly home. He said, come fetch to me some of your father's bright gold. Fetch me some of your mother's own fee. And come fetch me the best nag from out of your yard where they stand full 30 and 3. Where they stand full 30 and 3. She's mounted onto her silver white horse, and he's mounted her father's strong grey. And they've rode till they've come to the rocky seashore 3 dark hours before it was day. Oh, light off your silver white horse, and deliver yourself unto me. For 6 pretty girls have I drowned right here, and the 7th girl shall be. Oh, the 7th girl you now shall be. Pull off your soft silken gown, and deliver it here unto me. For the fabric's too fine and too costly by far to let rot in the cold, briny sea. And me the wide world to see. Oh, fly home, lost ladies, fly home. Oh, fly home, lost ladies, fly home.